aujourd'hui dans la vie croisière d'assemblage requis. David Ferron nous explique le lien entre Lady Gaga et le mouvement étudiant. Et Kim Bergeron nous fait entendre le nouvel album de Porcelaine. La vie croisière d'assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du... C'est la semaine du quoi, ça? 21 mai 2012, hein? C'est ça quand je suis seul, David. Ben oui, c'est sûr, mais je suis avec toi d'une certaine manière. Ben en fait, de toutes les manières à côté de moi, donc... Ben oui, puis en plus, t'as pleuré sur mes épaules la semaine dernière parce que t'as pas diffusé Cerveau ramolli, ça t'a rendu triste. J'ai sauté Lisa Leblanc la semaine passée, t'as bien raison. Oui, puis ça t'a rendu triste, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon émission tout à l'heure. Parce t'as que... bien fait. Je pense à ton bonheur psychologique. Même si t'es tout seul comme animateur, je pense quand même à ton bonheur. T'es fin. Donc, David Ferron qui sera avec nous tout à l'heure pour sa chronique Graines de pivot dans quelques minutes. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique, David? Qu'est-ce qui s'en vient, Lady Gaga et Gabriel Dubois-Nadeau? OK. Nadeau-Dubois. OK. Ouais, Lady Gaga, c'est spécial quand même comme... Tu vas tout comprendre. J'espère, tantôt. Oui. Aussi, à l'émission aujourd'hui, on va avoir la chronique nautique de Mazurois qui va nous raconter ses aventures marines drôles et cocasses. Oui, j'ai très, très hâte. Ensuite, Simon Fitzbay avec sa chronique pour les nuls. Il nous parle de la National Rifle Association. Ça, c'est l'association des armes à feu aux États-Unis. C'est moi qui lui avais suggéré ce sujet-là. Fouillez-moi pourquoi. Justine Renaud sera avec nous pour sa chronique gay, Laisse-Béton. Il nous parlera du film Saving Face et en musique Ha Ha Her. Ensuite, on aura DJ Catardi qui, elle, nous explorera le sujet de la musique et l'évolution. Oui. Et en toute fin d'émission, Kim Bergeron, avec sa chronique culturelle, elle nous parlera du nouvel album de Porcelaine, qui sera aussi en spectacle lancement au Zénob ce samedi soir à Trois-Rivières. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Il y aura aussi la chronique, évidemment, C'est un fait. Et puis aussi, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, donc voilà pour le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va aussi écouter les palmarès anglophones pour la semaine ou en fait la période du 14 au 27 mai 2012. On aura plus tard dans l'émission, évidemment, notre numéro 1. On saura si c'est encore Grimes avec Oblivion. On aura aussi 4 nouvelles entrées. On entendra plus tard Patrick Watson, Trust et Plants and Animals. Mais on va débuter en 20e position du palmarès anglophone avec une nouvelle pièce de l'album Blunderbuss de Jack White. Et on écoute à l'instant l'extrait 16 Saltines. Saltines, là, David, c'est des biscuits soda. J'ai faim. 16 biscuits soda, ça va être écœurant. On va essayer de siffler en même temps. C'est sale, oui, j'ai la langue, j'ai le bouton sur la langue parce que c'est trop salé. She's got stickers on her locker. And numbers, numbers, they're the magic marker. I'm hungry and the hunger will linger. I eat 16 saltine crackers, then I lick my fingers. Well, every morning I deliver the news. Black hat, white shoes, and I'm red all over. She's got a big mailbox that she puts out front. Garbage in, garbage out. She's getting what she wants. 19. Deux nouvelles entrées du palmarès anglophone. Ça, c'était Plants and Animals avec Runaways en 19e place sur l'album The End of That. C'est l'extrait numéro 3 de cet album-là. Il y a eu avant ça The End of That et Light Show. Avant entendu, en 20e place, Jack White et 16 Saltines. Et ça, c'est sur l'album Blunderbuss. C'est tout neuf, tout nouveau. Et on a bien aimé la pièce de Jack White, David et moi. Oui, c'est vrai, parce que je t'avoue que je suis pas un fan des White Stripes. J'essaye d'aimer ça parce que tout le monde aime ça. Puis quand je dis que j'aime pas les White Stripes, les gens me regardent avec des couteaux dans leur regard. Du dégoût. Oui, je le sais, c'est comme, ah, David, d'où viens-tu? De quelle planète viens-tu? Et là, je suis marginalisé pour mes goûts musicaux. Là. Hey, c'est pas facile la vie, hein? Non, mais j'avoue que là, ben, on dirait que j'aime White Stripes. Je veux dire Jack White, mais pas avec les White Stripes. C'est ça. Tu stripais pas ces White Stripes? Hein? Ah ouais. Hein? Tu t'attendais pas à ça. Oh! Ouais. Toutou! Je suis cassé. Ouais. Donc, David Ferron, vous l'avez entendu, c'est lui qui est là en ce moment en studio pour sa chronique Graines de pivot, et je pense que oui. Ça vaudrait la peine de s'approcher un petit peu du bord de l'autre. Oui. Que des connards. David Ferron, bonjour à toi. Ben, rebonjour Mathieu. Officiellement, le mettons dans ta chronique. Si on... oui. Ah oui, ben bonjour hey! Mathieu. Ah oui, j'ai une chronique. Oui, donc ta chronique porte aujourd'hui sur Lady Gaga, en parallèle avec le mouvement étudiant. Oui, exactement. Là, vous demandez qu'est-ce que Lady Gaga fait là-dedans déjà, qu'il y a au moins 200 000 personnes qui ont manifesté mardi dans les rues de Montréal, qui a été une très belle manifestation pacifique. D'ailleurs, mais Lady Gaga, pourquoi? Bon. Parce que vous savez que Lady Gaga, elle est encore populaire, un petit peu. Relativement parlant, elle est quand même pas bien populaire. Ouais. Et là, présentement, elle fait une tournée en Asie qui est assez controversée. Donc, comment ça? Parce qu'elle est considérée comme la fille de Satan. Oui! C'est la fille de Satan? Oui! Non! Non! Selon les certains représentants de groupes religieux qui font des pressions sur le gouvernement, par exemple, en Indonésie, à Jakarta, elle s'est vue refuser de faire son show. Elle a été interdite de faire son show, donc elle a dû annuler son show, sinon elle était passible de prison. Et là, les gens du public disent, mais là, on s'attend à avoir un spectacle. On s'attend à avoir un spectacle Satan. Eux autres... Adélie, mais quand même. Quel humour diabolique. Hey, c'est la pire émission à date. Même moi, je la comprends pas. C'est ça, Satan. OK, je l'aime bien. Ton jeu de mots, en passant. Mais c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que pourtant, les fans de Lady Gaga, c'est pas des gens qui sont dans des regroupements du Club de l'âge d'or ou des représentants de la gériatrie. Du tout. Et c'est des jeunes qui s'habillent comme elle et tout ça. Et le gouvernement trouve que... ben pas le gouvernement, mais les représentants religieux trouvent que... ah, ben voyons, c'est scandaleux. Elle incite les gens au péché. Les jeunes vont devenir corrompus. Nos enfants, ils vont devenir des débauchés. En plus, elle encourage l'homosexualité. En plus, outrage. Ah, mais quelle pécheresse. Donc, là, la jeunesse... pourtant, les jeunes fans admirent, s'habillent comme elle et tout. Donc... ce qui fait en sorte que, ah, ben, on a des jeunes qui défient les autorités, le gouvernement, un peu comme ici, au Québec, où ce que là, il y a 200 000 personnes qui sont marchées dans les rues il y a à peu près 2 mois, c'est bien passé. Et là, il y a encore des manifestations à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec, partout au Québec, ça ne lâche pas. Et il y a aussi le printemps arabe. Et là, oui. Je fais penser, ben, ça a l'air d'être un mouvement mondial parce qu'il y a eu le printemps arabe, autant au Maroc. Présentement, là, c'est les élections en Égypte. Il paraît qu'il y a un gros taux de participation en Égypte. Là, on n'a pas encore fini de dépouiller, mais là, il y a eu récemment des votes en Algérie, en Tunisie, au Maroc aussi. Il y a eu également des révoltes en Espagne, mais c'est là que le Occupy est... hey, je me mélange dans mes mots aujourd'hui. Le mouvement Occupy? Très oui. Occupy? Là, je vais juste déplacer ma langue pour trouver mes mots. OK, c'est bien. Oui, merci beaucoup. Donc, Occupy a commencé en Espagne et là, il recommence ce printemps-là. Il y a eu encore des manifestations en Espagne et aussi le mouvement s'est répandu partout dans le monde. Et c'est surtout des jeunes. Oui, il y a des gens qui sont plus âgés qui rejoignent les jeunes, mais c'est surtout des jeunes. En grosse majorité. Et donc, ça fait en sorte que qu'est-ce qu'elle a, cette jeunesse mondiale, à vouloir se révolter? Ben oui, gang de rebelles! Oui, gang de méchants, allez chez vous et soyez capitalistes à la place! C'est ça! Hey non, on se croirait dans une radio poubelle à Québec, là. Mais c'est non. Étrangement similaire. Hein? T'écoutes C'est fou, tu dis coudonc, je suis à Québec. Ça. Non, c'est ça. On est, c'est fou quand on a fait un FM, on a quand même une radio de qualité. Donc, c'est en sorte que cette jeunesse-là qui se révolte contre un système qui les nuit d'une certaine manière, hausse des frais de scolarité, chômage. En fait, le problème qui est souvent dans les pays du Maghreb, lorsque ça a starté, en fait, le printemps arabe, c'est le taux de chômage qui est élevé, la pauvreté, le gouvernement corrompu, qu'on juge corrompu, qui, lui, s'enrichit, ça finit plus. Il n'y a pas de place pour la jeunesse dans cet endroit-là. C'est comme si la jeunesse, elle était brimée. Et on dirait que, justement, c'est ce que la jeunesse qui manifeste présentement, c'est dit, ben, nous, on va augmenter, nos frais de scolarité vont augmenter énormément. Et pourtant, les baby-boomers qui ont profité, eux, Charles, contre nous. C'est comme l'impression que là, c'est vraiment le clivage générationnel. Les personnes baby-boomers contre les jeunes. Mais là, dans les années 60, tu te rappelles de mes... Ben, tu te rappelles pas parce qu'on n'était pas né à ce temps-là. Ah, dans le bon vieux temps. Oui, hein. Ah, non, je mets ça. Mais mes hanches. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu, dans les années 60, il y a eu les mouvements, par exemple, contre le Vietnam, il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu également mai 68, que là, ça a été ce qui est parti des universités, mais qui a fini finalement sur la scène politique, mais qui malheureusement s'est soldé par un désillusionnement. En fait, là, c'était une manifestation contre le système, en fait, contre Charles de Gaulle et sa politique, mais là, c'était Charles de Gaulle qui a été réélu un mois après. Donc là, est-ce que ça va être comme ça? Parce que les gens au Québec, on les sent tannés. Ben, ouais. Oui, on les sent écœurés, mais quand je vois les commentaires, c'est que les gens sont écœurés de Charest, mais sont écœurés de la grève. Oui. Donc là, les gens, puis on a vu aussi qu'Occupy s'est soufflé quand même assez vite avec la répression de la ville de Montréal aussi. Mm-hmm. Mais cette jeunesse-là, qu'est-ce qui arrive avec elle? Est-ce que ça va être un courant qui va annoncer quelque chose de nouveau ou ça va être encore perçu comme des jeunes bébés gâtés qui ont eu tout par le système capitaliste qui a été nourri, mais que les jeunes se rebellent contre le système? Bonne question. Je pense pas qu'on a la réponse. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais pourtant, je pense que cette jeunesse-là a quelque chose à dire. Pourtant, clairement. Les trois grands chefs, bon, si on oublie la TASEC parce qu'on les a pas beaucoup entendus, mais quand on entend les trois grands... les représentants, pas les chefs, excusez-moi, les porte-parole ou les présidents ou peu importe le poste qu'ils occupent, eh bien, c'est pas des gens qui chialent et qui gueulent comme des malasses, c'est des gens qui ont de l'élocution, qui parlent bien, qui ont des arguments qui sont intelligents. On peut être d'accord ou non avec eux, mais on peut pas les traiter de cruche. Et c'est cette jeunesse-là qui est renseignée, et pourtant, il y a les réseaux sociaux aussi. Ben oui. Ce qui a fait l'efficacité du printemps arabe, là, parce que c'est parti de quelqu'un qui s'est immolé au mois de janvier. Et là, deux semaines après, tout le monde commence à manifester, puis ça c'était quand même rapide, là, le mouvement. Là. Ben, c'est grâce à Twitter, à Facebook, qu'elle fait en sorte qu'il y a beaucoup de manifestations. Ben, justement, on invite des gens sur Facebook, les gens sont au courant, puis bang! C'est très rapide d'organiser. Oui, organiser rapidement, c'est ça, ça peut être vraiment à court terme. Là. On peut se dépêcher assez. Oui, c'est ça. Et pourtant, les vieux gouvernements, si je faisais ça comme ça, ils ont l'air d'être dépassés. Ils n'ont pas l'air à trop comprendre la jeunesse. OK, qu'est-ce qu'elle revendique? OK, nous, on a proposé des trucs. Eux, ils veulent rien savoir, je pense. Faudrait leur montrer comment aller sur Facebook. Il y a des cours pour ça, pour aller se renseigner sur ce que les gens veulent. T'sais. C'est ça. Puis, petite anecdote, quand Jean Charest a fait un humoriste de lui durant la convention du Plan Nord, durant sa conférence de Plan Nord, vers la fin d'avril, là, il y a eu beaucoup d'émeutes et il a sorti sa joke de mauvais goût. Eh bien, pour les jeunes manifestants, j'ai une job au Nord, loin, loin, loin. Mais c'est ça, lui, il s'est fait rattraper. Pourquoi? Parce que tout le monde aurait pris ça sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. À la minute près aussi où ça s'est passé, c'était déjà partout. Exactement. Donc, c'est un gouvernement qui a l'air déconnecté. En fait, tous les gouvernements que j'ai vus où il y a eu de la révolte, ça a l'air d'être des gouvernements déconnectés, corrompus, qui savent pas comment... composé avec cette jeunesse-là, puis par exemple la classe, c'est pas le système de vote. Et d'ailleurs, je reviens sur un autre point, le système électoral. Il y en a qui disent, arrêtez de faire la grève, allez voter à la place. Sauf que la nouvelle génération dit, oui, sauf que le problème, c'est juste à tous les quatre ans. Nous, on veut de quoi de plus direct. Mm-hmm. On veut de quoi de plus spontané. Donc, est-ce que c'est des nouvelles formes de manifestation, des nouvelles formes de démocratie qui vont être naîtres et dont les gouvernements et les acteurs sociaux et importants doivent tenir compte? Est-ce que c'est une nouvelle manière? Parce que depuis 2000, il y a des mouvements de plus en plus importants, et ça depuis le sommet de Québec en 2001, qui s'avait brassé également aussi. Donc, c'est... En fait, c'est des jeunes qui se réunissent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de président, pas vraiment de vice-président, mais tout le monde a ce droit de parole. Donc, c'est plus long, c'est plus laborieux, mais c'est un système que de plus en plus de mouvements sociaux proclament. Et donc, il faudrait peut-être être à l'affût. Oui, ça va peut-être être plus long, mais... Là, on dit, là, on veut que tout le monde aille savoir. On veut que tout le monde ait l'occasion, pas juste aux élections, mais maintenant, à tous les jours, 365 jours par année. Donc, est-ce que c'est une nouvelle forme de démocratie qui va avoir lieu partout dans le monde? C'est-à-dire qu'on pense à Occupy, qu'on pense également au printemps arabe, les manifestations. C'est peut-être quelque chose qu'il faut se rendre compte aussi. Mmh. Puis je pense que, puis même François Hollande, lui, il a peut-être l'air d'avoir compris, pas nécessairement dire « faites des manifestations et tout », mais lui, il a mis sa priorité sur la jeunesse. Est-ce que François Hollande va devenir le modèle, le policier à suivre? Mais le problème, c'est que la jeunesse, contrairement à fin des années 60, puisque là, ça marchait beaucoup, on manifestait, et là, on a vu qu'il y avait quand même eu des changements et tout. Par exemple, le mouvement des Noirs, le mouvement des gays, tout ça. Là, après ça, les autres mouvements... Ben, en fait, aux États-Unis, les mouvements sont commencés par les Noirs. Après ça, là, il y a le mouvement du Vietnam, les mouvements des homosexuels, le mouvement des féministes aussi. Féministes, ouais, ça. Mais quand même, la Révolution tranquille aussi, c'est un mouvement qui est plus associé à mai 68. Ça commence par les jeunes et qui a mobilisé les autres acteurs de la société aussi. Là, le problème... Puis là, il y avait des jeunes qui adhéraient plus facilement. Ce qui a fait en sorte qu'il a aidé beaucoup. Mais dans ce temps-là, la jeunesse avait un gros poids démographique. Tandis que là, ben mettons, au Maghreb, c'est 40 % qui ont 35 ans et moins. Tandis que nous, c'est quoi? On est une faible... Ce qui fait en sorte que, est-ce que ça va être plus difficile pour les jeunes? Est-ce qu'il va y avoir plus de résistance? Est-ce que... C'est sûr qu'il ne faut pas comparer d'une époque à l'autre. Mais je pense qu'il y a quand même un renouveau de la jeunesse qui se fait pas juste au Québec, pas juste en France, mais partout dans le monde. Et je pense que cette jeunesse-là a quelque chose à dire de différent. Et c'est une jeunesse qui a été marquée par Facebook, Twitter aussi, ouais, qui est un nouvel outil qui fait en sorte que tout le monde peut se prononcer, et pas juste aux élections, et pas juste aux nouvelles à TVA quand on fait le Vox Pop. Mmh. Mais c'est une nouvelle forme de démocratie. Je pense qu'il faut vraiment être à l'affût et d'aller au-delà de « Ah, ce sont des bébés gâtés. Ah, ce sont des gens qui ont tout. » Faut aller des au-delà. Des paresseux, des fois, on entend souvent les jeunes, c'est des paresseux. Parce qu'une manifestation, c'est épuisant. Excusez-moi, ouais, là, vraiment. Mais c'est épuisant, une manifestation. D'abord, ben, faut l'organiser. D'abord, faut marcher. On crie fort, mais faut aussi que ça soit bien organisé. Faut aussi mobiliser les gens. Fait que c'est beaucoup d'organisation. Puis ça permet justement aux jeunes de savoir, OK, comment organiser quelque chose, comment comprendre la politique. Au contraire, des manifestations, c'est sain. Bon, c'est sûr que faut pas casser personne non plus. Faut pas non plus. Ça, je dis pas d'aller au cassage, mais de manifester, de marcher dans les rues, je pense que. C'est sûr que oui, ça peut énerver certains douchebags qui se demandent hein, qui c'est ça, mais bon. On peut pas toujours plaire à tout le monde. Ben non, puis tu sais, on veut pas nécessairement leur plaire aux douchebags. Hein. Ben c'est comme toi, par exemple, quand je mets du Lisa Leblanc et que tu m'aimes bien dans ce temps-là. Ouais, ben tu sais, chacun ses. Eh oui. Ouais. Bon, je blague. OK, mais c'est ça. J'espère que ça a été clair. J'espère que j'ai pu bien comprendre le fruit de mes réflexions. Oui, David, oui, tout à fait. Bien dit, et c'est un message qui vaut la peine de passer. Faut en parler de ces affaires-là. Oui, c'est important. Je sais qu'il y en a qui sont tannés, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui va au-delà d'une manifestation, au-delà d'une grève. Je pense que c'est un mouvement qui va marquer la prochaine génération. Je pense que les politiciens qui vont s'inscrire, ce ne sera pas les mêmes politiciens que Jean Charest, que Pauline Marois, que François Legault, même Jean-Martin Aussant. C'est une autre génération qui a d'autres choses à dire. Il faut, je pense, être attentif à ça. Ouais. Et comme la phrase sur Facebook, encore une fois, elle le dit souvent, je m'excuse si je te dérange, j'essaie juste de changer le monde. Ah, ça, j'aime bien cette phrase-là. C'est joli. Hein? Donc, David Ferron, t'as un extrait musical à nous faire entendre. C'est MC Solar. Oui, d'ailleurs, MC Solar, qui est aussi qui a été aussi populaire à la fin des années 90, début des années 90, que Lady Gaga partout dans le monde. Et d'ailleurs, je vais refermer ma boucle avec Lady Gaga. Donc, Le cercle de la vie. Hein? Le cercle de la vie, comme dans Le Roi Lion. Oui, c'est ça. Je referme le cercle de la vie avec Pumba, mais surtout avec Lady Gaga. Donc, Lady Gaga, qui est en fait peut-être un symbole de rébellion de la jeunesse, peut-être qu'elle représente ça aussi, au lieu que ça soit, mettons, la crise économique ou les problèmes de chômage ou encore les problèmes de frais scolarité, peut-être. C'est à voir. Donc, on va entendre MC Solar avec quelle pièce? Oui, ça s'appelle Nouveau Western, en fait. C'est la métaphore de la société américaine, la critique de la société... De la société... La langue dans ton oreille! Ah, merci. Le nom de mon émission qui passe à tous les jeudis midi. D'ailleurs, c'est un prétexte pour me plugger. Youpi. Hey, hein, t'y prends tout. Hein? Oui, je prends tout. Je suis généreux envers moi-même. Mais en fait, MC Solar et Nouveau Western, qu'est-ce que c'est? Nouveau Western, c'est une chanson qui critique la société américaine. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Il y en a qui accusent justement le American Dream, le système capitaliste, d'être la cause de tous les problèmes qu'on a du chômage, de la crise économique et donc ce qui expliquerait les révoltes mondiales. Et en fait, si tu écouteras l'introduction, c'est tiré d'une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle « Requiem pour un con ». Le

avec tous les pays qui envoient leurs représentants là-bas sur à grande échelle. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des pays de l'Europe, un petit peu aussi, ben pas de l'Afrique nécessairement, mais surtout de l'Europe. Sont une quarantaine de pays à se présenter, puis il y en a 25 qui sont sélectionnés pour la finale. Mmh. Et donc, là, l'année dernière, il y avait la deuxième position, qui est italien. Mais pourquoi je vous l'ai fait écouter? C'est juste un prétexte parce que je le trouve trop bon. C'est une trop bonne chanson. C'est une chanson de jazz qui se démarque vraiment du lot. Et en fait, ce qu'on va entendre, c'est Manners of Love du chanteur Raphaël Gualazzi, qui est vraiment du très bon jazz entraînant. On écoute ça à l'instant dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. Restez là. Sì, dire mai non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me. In un sogno fragile riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But all the world around me slips away and disappears. I can't live in your eyes, I can read in your mind. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over land. Where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, through the clouds out of your pains. You'll be fine, you'll be fine. All your troubles you won't mind. Then you land in my heart. Being so far away from you just makes me feel so dead. Retour, la musique de Trust et Patrick Watson, à la vie de croisière, l'Assemblage Requis. Restez là! L'Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Nouvelle entrée. Mmh. 7. Nouvelle entrée. Time was running fast. So slow, well, I watched us grow and grow, carried our love in cups to go. Excellent bloc, hein? Ouais, hein? C'est très bon, ça. Oui. Deux nouvelles entrées du côté anglophone. Ça, c'était Patrick Watson et Into Giants sur l'album Adventures in Your Own Backyard. Et avant ça, on a entendu Trust avec Soul, qui est un extrait de l'album TRST. Groupe français, Trust. Ah, OK, TRST, mais c'est pas TRUST, c'est TRST. Je crois que le nom de l'album, c'est TRST, et puis le nom du groupe, c'est Trust, écrit TRUST, normal. Mais le nom de l'album pourrait aussi s'appeler « Nous manque quelque chose ». Oui, c'est ça. Où es-tu, tu sais? Where are you? Tu sais, le you. Là. Ah! C'est écœurant, ça. Ce serait aussi écœurant que se faire une chronique où on apprend des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir. Mais je veux venir avec ça. Mais on veut savoir pareil. On veut savoir pareil. Ben, ça tombe bien parce que c'est la chronique, c'est un fait. Ah! C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ici, dans la vie croisée à l'assemblage requis, David Ferron, qui est toujours là, on l'a pas dit tantôt, c'est vrai. Bah, c'est pas grave. Ouais. Je t'aime pareil. En passant, ben moi aussi. Jasmine Raymond-Dreville n'est pas là aujourd'hui, tu l'as remarqué? Oui, mais pourquoi? Ben, je sais pas, en congé, faut croire. Mais j'espère qu'elle va en profiter sur cette belle journée ensoleillée. Je pense que le bateau lui a donné envie d'aller se faire juste bronzer sur une chaise longue en arrière. Ben, c'est mérité, elle travaille tellement fort, elle peut se donner ça. Exactement. Donc, allons-y avec les faits d'aujourd'hui. On commence par une petite section Quickie Edition. Là. Savais-tu que le seul McDonald's cachère, tu sais, cachère, c'est juif, là, les affaires, les règles juives. Là. Ouais, pas de part. Ouais, c'est ça, etc. Il y a d'autres affaires, mais entre autres ça. Donc, le seul McDonald's cachère à l'extérieur de l'Israël se situe à Buenos Aires. Hey! Tous les autres sont tous en Israël. En Argentine, ça? En Argentine. Ah ouais? Eh ben. Et est-ce qu'il y a une grande communauté juive là-bas? J'ai l'impression. Ah ouais? J'ai l'impression. Ou peut-être, tu sais, qu'ils offrent majoritairement des plats cachers, mais peut-être qu'ils ont d'autres sortes de plats aussi, je sais pas. Ah ben, intéressant. Ensuite, 40% de tous les humains qui sont nés dans le monde au complet, 40% ne survivent pas passer leur premier anniversaire. C'est triste, hein? 40% des gens dans le monde au complet là, meurent avant d'avoir un an. Ben voyons, c'est bien atroce. Mmh. Ouais. Ensuite, toutes les piles sur Terre emmagasineraient seulement 10 minutes des besoins d'électricité mondiaux. Toutes les piles de la Terre. Et tout le gaspillage écologique que ça fait qu'on les jette à la poubelle. Exactement, parce que les gens n'achètent pas des piles recyclables. Je comprends pas pourquoi ils n'achètent pas des piles recyclables. Mais bon, c'est un autre sujet. Puis ça coûte pas si cher que ça, là. Non, vraiment pas. Puis de toute façon, c'est un investissement parce que tu les achètes une fois puis ils vont durer des années. Là. Ben oui. Ensuite, tu sais, les films IMAX, là. Oui. Ouais. Ben, les projecteurs pour projeter ces films IMAX-là, ils pèsent autant qu'un hippopotame. Ouch! Ouch! Et leurs ampoules dans ces projecteurs IMAX-là coûtent 5 millions de dollars et sont assez brillants pour être vus de la Station spatiale internationale. Pour vrai? Je te jure! Ouch, mais ça veut dire que t'as mal aux yeux à la fin d'une projection, ça? Ouais. Et sûrement, oui. Je pense que ça doit être diminué par quelque chose. Mais j'espère. La mesure chez les Incas. Chez les Incas, on mesurait le temps basé sur la durée que ça prenait à faire bouillir une pitate. Ah ouais? T'sais, donc ça prend, hey, on se voit tantôt dans quatre patates. Ah, pour rien? Salut, à dans deux patates. T'sais, on pourrait dire ça serait, on pourrait ramener ça. T'sais. Ben ouais. Puis qu'est-ce qu'il y avait? C'est une année, il y avait une crise de la patate. Oh, famine. Potato famine, je sais pas. Ou peut-être que le temps s'est arrêté à ce moment-là. Peut-être! Cette période-là n'aura jamais existé, finalement, parce qu'il n'y a pas de patate pour la mesurer. Ah, mais c'est vrai. C'est quand même une bonne mesure. T'sais. C'est pas si pire. T'sais. Faire cuire un œuf, tu peux y aller, tu peux avoir différentes variantes. Ah, ouais. Des échalotes, pas des échalotes, des... les femmes achètent 85% de tout ce qui est en vente, en spécial dans le monde. Okay? Quand on fait des grosses ventes, là, c'est 85% de femmes qui achètent ces articles-là. Ah, ouais. Selon une étude, là, c'est spécial quand même. Ah, ben. Comme les empreintes digitales, les langues oui. ont aussi leur propre... Ça, je pense que je l'avais peut-être déjà fait, ça. Là. Mais entre eux, c'est pareil. Ça pour dire que... il y a des fans même que je me dis, j'ai déjà fait. En 2010, 3,9 millions des appels 911, les appels au 911, 3,9 millions dans la ville de New York étaient à cause... d'une mauvaise utilisation de leur cellulaire, les gens s'étaient trompés. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont, ils voulaient faire le 411 ou le 811 ou le je sais pas quoi. Ils ont appelé le 911 par inadvertance. Ça prend environ 3 pommes pour faire un verre de cidre de pomme. Ben ça n'en prend pas tant que ça. Ben apparemment, 3 pommes pour faire un verre de cidre de pomme. Ben quand même, je pensais que c'était plus. Ben moi aussi, mais apparemment que non. Wow, efficace une pomme. Efficace. et tu sais, on dit haut comme 3 pommes. On pourrait dire haut comme un verre de cidre. Ah, ben aussi. Oui, c'est vrai. Parlant de pommes, tiens, on va transitionner vers Apple un petit peu. Hein? Oh. Ben, ça, c'est mon sujet de prédilection. Savais-tu? Comme moi avec l'Eurovision. Pareil, on a chacun nos folies, là. Certains sont plus folles, certaines sont plus folles que d'autres. OK. Donc, les anciens portables Apple avaient le logo à l'envers quand tu le regardais. T'sais, quand l'ordinateur était ouvert, mettons, tu vois mon Mac ici, tu vois la pomme à l'endroit. Okay. Hein? Avant, était à l'envers. Mais c'était pas un oubli ou rien, mais c'était vraiment une décision qui avait été pensé. Okay. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Donc là, on se dit de nos jours, mais comment est-ce que tu pourrais avoir une pomme à l'envers sur un ordinateur? Tout le monde verrait ça, puis il était à l'envers, ça marche pas, c'est pas très, très marketing. Et bien, c'est Steve Jobs qui avait décidé de la mettre à l'envers. La raison, c'est que quand tu fermes ton portable, la pomme est à l'envers. Ouais. OK. Et les gens l'ouvraient du mauvais bord à toutes les fois. Hein? Donc, Steve Jobs, pour l'usabilité, ou je sais pas comment t'appelles ça, a décidé de mettre la pomme vers la personne qui l'ouvre pour l'ouvrir du bon côté. Et il se foutait un petit peu de ce que les gens en pensaient en le regardant. Et après ça, ils ont fait des études, ils ont fait des focus groups, j'imagine. Toute l'équipe a fini par se rendre à l'évidence qu'il fallait le mettre du côté pour que les gens le voient. Et à partir de là, ben ça, j'imagine que la compagnie a décollé et ça a été beaucoup plus facile de vendre des ordinateurs, je sais pas. Donc c'est ça, il a décidé de lâcher le morceau finalement, Steve Jobs. Ouais, il a décidé de lâcher le morceau de pomme. Ah bon? Oh, oh! Et le quartier, laisser le quartier de pomme. Oh. Et j'imagine aussi qu'il y a eu un petit peu de protestation de la part des producteurs de films et d'émissions de télé parce que eux voulaient mettre des beaux ordinateurs dans leurs émissions et la pomme était à l'envers. Et il y avait même des producteurs de télé qui prenaient des autocollants et vraiment remettaient, si on veut, en guillemets, le logo à l'endroit sur l'ordinateur en le collant par-dessus pour que dans leur émission de télé, ça ait l'air à l'endroit. Mais c'est ça, une petite anecdote, parce qu'il y a deux grosses stations de télé à la télévision québécoise. Oui. On les connaît. Les meilleures. Et, oui, ben, ça dépend. Une des deux. Ben, ça dépend des émissions, mais il y en a une qui est meilleure que l'autre. Voilà. On vous laisse deviner. À vous d'en décider, mais il y en a une que tu vois que c'est Windows, puis l'autre que tu vois, c'est Apple. Ah ouais, hein? Ouais, c'est... Ouais, moi, je dirais que la station, très, très grand public, et on vise tous toutes les personnes, peu importe la qualité, j'imagine, choisissent Windows, parce que c'est aussi ce que la majorité des gens choisissent. Ouais, mais il y a aussi le fait que je pense que le réseau cellulaire relié à la compagnie qui gère la télévision ne peut pas avoir de iPhone. Ah, tout à fait, Vidéotron, OK. Oui, tout à fait, bien dit, David, t'as raison, et je pense que les gens ont compris c'est qui. OK, ouais. Donc voilà, pour le logo d'Apple. Maintenant, toujours au sujet d'Apple et toujours au sujet de Steve Jobs, savais-tu que sa signature à Steve Jobs est à l'intérieur de chaque Macintosh original, les originaux là, du début? Là. Ouh! C'est vrai. Où ça? Ben, c'est à l'intérieur. Donc, il y avait un gros party chez Steve Jobs et l'équipe, non, le vrai, l'original des Macintosh dans le temps, pas les nôtres. Ah, OK. Ils sont trop récents, les nôtres. Donc, ils ont fait une petite fête, un petit party, et puis il a demandé à chaque membre de l'équipe qui a fait le premier Macintosh de signer sur la feuille. Et le papier est devenu la plaque de métal qui était à l'intérieur de chaque Macintosh à l'origine. Mmh. Donc, là, on se demande, mais pourquoi? Ben, il dit que c'est pour l'art de la chose. Parce que pour Steve Jobs, le Macintosh original n'était pas seulement un ordinateur, c'était aussi une œuvre d'art. Donc, il s'est dit, bon, c'est le premier ordinateur mainstream avec une interface utilisateur comme celle-là. Et l'équipe, donc, a travaillé tellement fort, avait tellement de qualité artistique, aussi bien que technique, qu'il a décidé de mettre leur signature dedans. Moi, je trouve qu'ils auraient dû continuer. Mais pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui travaillent sur un ordinateur, je pense que ça prendrait... il serait beaucoup plus épais, je pense, l'ordinateur pour les signatures. Mais maintenant, c'est juste écrit, bon, fabriqué par Apple en Californie, sur chacun de leurs produits, ce qui est pas aussi bon que merci à toute l'équipe de votre dur travail. Ouais, j'avoue, mais en même temps, c'est vrai qu'un Apple, c'est beau en tant que tel. Tu t'achètes un MacBook, un Mac Air ou même le iMac, c'est esthétiquement, c'est épuré, c'est beau. Pis... Tout en étant aussi une bonne machine, c'est pas juste beau. C'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste genre pour flasher, tu sais, un Mac. Ouais, non, c'est une meilleure machine avec un meilleur système d'exploitation. Ah oui. Voilà. Sais-tu que encore un autre fait que je pense que j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Que les amandes sont... les amandes, là... Pour manger ou pour recevoir? Pour manger. C'est quoi, si tu veux manger une amande que tu as reçue, c'est comme tu veux. Je jugerai au ketchup. Manges la feuille. Donc, les amandes font partie de la famille des pêches. Je sais pas ça. Ah ouais. Famille des pêches. À cause du mercure, du taux de mercure dans le lac Michigan, plus de 40% des poissons qui naissent dans le lac Michigan sont nés autistes. Ils ne survivent pas passer leur première année, un peu comme 40%, comme on avait dit au début de la chronique. Là. Ah ouais. La planète Vénus est la seule planète qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, hein? 18% des Américains dépensent leur salaire sur leur moyen de transport, donc voiture, autobus. 18% du salaire moyen d'un Américain est passé sur son moyen de transport favori. Ben quand même, c'est beaucoup. Quand même. Si tu pouvais, d'ailleurs, dans le même thème, si tu pouvais conduire avec ta voiture par en haut, OK, mettons à la place de par en avant, tu conduirais par en haut, ça prendrait environ juste un petit peu plus qu'une heure te rendre à la Lune. Hein? Une heure? C'est pas si pire? Puis les navettes spatiales, ça veut dire que ça leur prend beaucoup plus de temps? Je sais pas. Parce que ça prend quoi? Presque une semaine pour s'y rendre à peu près? J'en ai aucune idée. Ça doit y aller beaucoup plus lentement, en effet. Je sais pas. Mais pour rendre hommage à cette place, cet endroit... La Lune. Qui est la Lune, on écoute Major Tom de Lucien Midnight. Oh! Super! Puis on revient avec plus de fêtes tantôt aussi. Base de contrôle au Major Tom. Base de contrôle au Major Tom. Major Tom de Lucien Midnight à la vie de croisière d'assemblage requis. Toujours dans la chronique C'est un fait. Il nous reste encore un petit groupe de faits à faire avant de terminer cette chronique-là. Donc allons-y à l'instant. Toujours avec David Ferron, bien sûr. Ben bonjour, mais est-ce qu'on veut vraiment les savoir? Oui! J'espère, Caroline, oui. Qu'est-ce que je fais là sinon? Commençons avec la moutarde. En fait, j'aurais dû te demander la question au piège et te faire deviner. Mais la moutarde qui est l'épice la plus vendue au monde. Excuse-moi. C'est le poivre, l'épice la plus vendue au monde. Deuxième place, la moutarde. Ah ouais? Deuxième place, la moutarde. Ouais. Wow, mais c'est vrai que c'est un bon condiment pour mettre dans les hot dogs. Même des fois, pour accompagner le poulet, là, une bonne moutarde de Dijon sur ton poulet, c'est super bon. De Dijon, j'avoue que ça vaut plus la peine que de la vraie moutarde. Moi, ouais. La moutarde, c'est sur des saucisses. Ben oui, un bon classique. Ouais. Un bébé aux Philippines est né sans crâne. Hein? Pagaya Malicol, qui est né le 18 janvier 2004, qui avait seulement une petite couche de peau pour séparer son cerveau de l'extérieur. Il a dû rester attaché à sa mère par le cordon ombilical pendant un long moment après sa naissance. Malheureusement, sa famille n'était pas capable de payer la facture pour le sauver, donc il a seulement vécu pendant 4 jours. Son cerveau était sévèrement infecté à cause de l'exposition sans le crâne, l'exposition à la peau directement, j'imagine. Voilà, et puis ça dit que... c'est ça, c'est à peu près ça. Ensuite, les chats, ça veut dire ça? Les chats sont intolérants au lactose. Puis pourtant, on marie souvent lait et chat. Ou encore lait et chat, hein, quand même. Bon. Donc, ouais, c'est ça. On disait qu'ils ne devraient pas boire de lait. Parce qu'évidemment, on donne souvent du lait au chat, comme tu disais. Mais le lactose, qui est le sucre qu'on trouve dans les produits laitiers, dont le lait de vache, c'est mauvais pour les chats. Donc, donner à un chaton ou à un chat du lait de vache, c'est une mauvaise idée. Et normalement, ben, ça va causer une grosse diarrhée chez la plupart des chats. Même les chatons qui n'ont pas de mère, donc qui sont orphelins ou dans une famille d'accueil, on leur donne pas non plus du lait de vache, on leur donne un lait spécial qui est fait exprès pour les chatons. C'est une petite formule spéciale, un peu comme pour les bébés. Ben, sinon, le lait de chèvre, est-ce que... moi, vu qu'il n'y a pas de lactose dans le lait de chèvre, là, ça doit être ça. C'est de la chèvre-tose. Chèvre-tose. Non. La chèvre-rose, je sais pas. Donc, après 4 semaines, les chatons commencent à boire arrêtent de boire le lait de leur mère. Et à partir de là, c'est non seulement nutritionnellement pas nécessaire de donner du lait à votre chat, même du lait de chat, c'est pas nécessaire de leur donner ça à votre chat. C'est mieux de leur donner juste de l'eau. Sinon, si vous tenez à donner du lait de chat, il faudrait aller voir chez un vétérinaire, dans une boutique pour animaux, pour en acheter. Voilà. Est-ce, mettons, il y en a qui veulent goûter, est-ce qu'ils disent « Ah, ben, je vais acheter ça pour mon chat », mais qui goûte le lait de chat? Bonne question. Je sais pas si je voudrais essayer ça tant que ça. Ouais, avec un petit biscuit dedans, là. Du lait de souris, je pense qu'il y a du lait de rat, je sais pas quoi, là, ça existe. Ah, ouais, okay. Il y a des glissades. En fait, les glissades en général créent assez d'électricité statique pour faire péter les implants dans les oreilles des gens qui ont une faiblesse aux oreilles ou qui sont sourds. Donc, l'électricité statique créée par les glissades, oui, pour les implants cochléaires, ça cause problème. Donc, la statique peut éteindre complètement et même faire frire les circuits à l'intérieur de ces implants cochléaires-là qui ont été présentés sur le marché dans les années 80 et qui ont toujours eu des problèmes avec l'électricité statique. Au départ, même juste mettre un chandail de laine, ça les faisait freaker un petit peu ces appareils-là. Mais quand même, ça le fait encore à cause des glissades et des ballons aussi, des ballons gonflables. Ben oui. Quand l'implant pète, ça coûte 1 000 $ pour le remplacer ou pour le réparer. Et ça prend plusieurs jours avant de pouvoir le réparer. Donc souvent, on va devoir se passer de cet appareil-là pendant plusieurs jours. Un groupe fait des recherches en ce moment pour trouver une solution à ça. Ils ont reçu 25 000 $ en bourse pour faire leur étude. Une compagnie du Missouri développe un habillage, une espèce de survêtement antistatique. Et puis, ils vont essayer de voir si ça peut fonctionner, si on pouvait en mettre sur les glissades aussi. Ouais. Y a un criminel, un prisonnier, qui s'est tué en utilisant un paquet de cartes. C'est William Cogut qui attendait son exécution dans une prison de la Californie. C'était le 20 octobre 1930 qui s'est suicidé d'une façon bizarre. Donc Cogut qui était là pour une sentence pour un meurtre, voilà, qu'il avait commis plusieurs années auparavant. Et supposément qu'il était rempli de remords pour ce crime-là. Donc il croyait qu'il devait se punir lui-même et puis il voulait pas laisser sa punition à l'État. Et donc Cogut a décidé de déchirer un paquet de cartes rouges qui contenait une encre volatile. Il a rempli ça dans la patte de son lit, une patte de métal. Et après avoir mis un balai là-dedans, il a versé de l'eau de l'autre côté pour imprégner les cartes d'eau. Et après ça, il a placé ça à côté du système de chauffage au kérosène. Et puis ça a fait exploser les cartes. Donc c'est à cause de l'encre volatile dans les cartes. Ouais. C'est quelque chose, hein? Et on termine avec celui-là, tiens, celui-là, je vais enlever les autres et je vous laisse aller les lire sur assemblagerequis.com. Donc en 2010, des gens au Japon sont allés féliciter l'homme le plus vieux du monde à Tokyo pour son 111e anniversaire, mais ils ont découvert qu'il était mort depuis 30 ans. Pour rien! C'est vrai. Donc ils sont allés féliciter Soken Kato, parce qu'il était l'homme le plus vieux de Tokyo. Ils ont rencontré sa famille qui refusait que le gars aille le voir. Donc, ils ont évidemment commencé à poser des questions. Ils ont enquêté un petit peu sur la chose. La police est entrée chez M. Kato par force. Ils ont découvert ses restants, si on veut, momifiés dans son lit. Il était couvert de sous-vêtements et de pyjamas sous une couverture. M. Kato était mort depuis, on dit, 30 ans. Mais est-ce qu'il était quand même le plus vieux depuis 30 ans? Ou s'il serait resté vivant, là, il aurait été le plus vieux? Je pense qu'il aurait été seulement s'il était resté vivant. Ah, c'est de la fraude. Ouais, ben, en fait, c'est exactement ça. Ils ont débarré une enquête sur une fraude, évidemment. Ils disent que M. Kato s'était embarré il y a 30 ans et était devenu un genre de Bouddha vivant. Et personne n'avait aucune idée qu'il était mort. À ce qui paraît, là, c'est selon la famille, mais en même temps, sûrement que ta famille était au courant, je pense. Ça doit sentir assez mauvais aussi. Ouais, à moins qu'il y avait vraiment un système anti-plantat très, très efficace. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il avait reçu 109 000 $ depuis les 6 dernières années pour une pension de veuf. OK, lui, il recevait de l'argent parce que sa femme était morte avant ça. Okay. On imagine que sa famille, une fois que lui est mort, c'était à eux qui revenait l'argent. Ah! Ah ben, voilà pour la chronique, c'est un fait. On vient dans quelques minutes. En fait, ça va être la fin de la première heure. Nous, on est toujours très, très dans les temps. On finit ça tellement à l'heure, comme 10 minutes en retard. Donc, on revient tantôt avec la chronique de Mathieu Roy. Il va nous raconter quelques aventures cocasses sur l'eau. Hey, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Oui. Ouais. Ben, on reste là? Tu restes là? Ben oui. Okay. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 21 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. David Ferron. David Ferron qui est toujours là, en remplacement ou presque de Jasmine Raymond-Dréville qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même une lourde tâche de la remplacer parce que t'as quand même une excellente co-animatrice. Ben, tout à fait. Une co-animatrice charmante. Et Mathieu Roy s'en vient dans quelques minutes pour sa chronique nautique. Salut. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, toi, ça va? Oui, pleine forme. Tu vas nous raconter des aventures de Robinson Crusoe? Oui, exactement. La vraie histoire et selon le livre et tout. Mais j'ai fait de la recherche. Ben, ça paraît. En regardant de même, t'as l'air d'un gars renseigné. Mais pour l'instant, on continue le palmarès anglophone pour la période du 14 au 27 mai 2012. On écoute une pièce. En fait, on va sauter par-dessus numéro 16 de Revolver avec Winsong parce que ça fait 8 semaines que c'est là et c'est stable, ça bouge pas. Ça, ça sert à rien de la jouer. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ajoute dans mon émission qui est une émission de chansons francophones. C'est ça, ça fait un peu moins bien. Ouais, caresse l'autre bord. On écoute donc la 15e place qui monte de 3, c'était nouveau la semaine passée. Voici Caravan Palace, c'est The Dirty Side of the Street. C'est vous, 89 FM. La position numéro 15 du palmarès anglophone, c'est Caravan Palace et The Dirty Side of the Street sur l'album Panic. On écoutera tantôt Joel Plaskett Emergency et Zoo, 114e et 13e place. Mais avant ça, on accueille Mathieu Roy, parce que c'est le moment de faire sa petite chronique nautique. Ho, ho, ho, à capitaine, attention. Parlons de la mer. Parlons de la mer. Oh. Parle pas de ma mère la même. Parle. Oh. C'est des blagues de mer. Oh. Oh. Oh, non, là, c'est un sujet là, qu'il faut habituellement éviter. Là. Your mama so big. Tu sais, les rappers, ils font ça. Ta mère, tellement grosse que. En français, ça marche moins bien. Mais normalement, des jokes de mer, initialement, ça a été fait pour insulter la mère de l'autre. Mm-hmm. Ben, ça dépend de quelle mère qu'on parle. Là. On parle-tu d'une mère au point de vue familial ou de la mère. La mère est belle? La mère est belle. Ta mère est belle. Ben, t'as jamais vu ma mère. OK. Bon, ben, c'est dit. Hein? Il est belle. Je me fie sur toi, c'est pour ça. Chronique nautique, comme ça. Voilà tout mon emploi, un peu mélancolique. Jouant Robin son trésor et au bord du Pacifique. Le capitaine et son matelot dépenseront pour eux des trésors d'imagination pour aider et aider un peu. Ni gare, ni salle de bain, pas le moindre confort. Et pas non plus de trois tranchons, ni de voitures de sport. C'est comme si ton intro avait été faite pour le sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est vraiment fait en considération avec ça. Je parle du thème de Robinson Crusoe, et non pas Sucroé, de la version de Pixar qui a été faite, ou de... Je me souviens plus quelle compagnie, là, ouais, mais les droits d'auteur, on sait c'est quoi, on fera attention parce qu'on veut pas se faire poursuivre. Mais celle de dessin animé qui jouait entre autres à Canal Famille. Oui, oui, oui. Puis que de bons souvenirs, n'est-ce pas? Ben oui, ben moi je me souviens. Ouais, non, c'était un des premiers bons comiques québécois que j'ai vraiment aimé. Hein. Je savais même pas que c'était québécois quand ça jouait. Bon, ouais, non, mais c'est vrai. Aucune idée. Ouais. Donc, je vais en décevoir plusieurs. Robinson Crusoe n'a jamais existé réellement. Ah! Gilligan non plus. Non! Ginger, par contre. Ah ouais. Ginger, dans mes rêves, elle y est. Elle est là, en chair et en os. Oh oui. Aussi vrai que du gingembre dans une recette. Oh. Imaginez ce qu'elle avec est moins devenue. De membres. Imaginez ce qu'elle est devenue maintenant. Elle est pas oui, morte, Ginger. Ginger? Elle est décédée? Ben, je sais pas. Ben là, on partira non, pas de rumeurs. Là. On sait pas. C'est allons vérifier. Geriatric Ginger. Ça prend pas. Donc, Robinson Crusoe. Qui aurait vécu 30 ans sur une île déserte, débarqué là par un capitaine de navire qui l'aurait laissé là et qui aurait heureusement rencontré un indigène qui aurait nommé Vendredi dû à la journée où serait rencontré, car la personne Robinson tenait un calendrier et ce pendant les 30 années de son périple. Parce que c'est tellement important la date de chaque affaire quand c'est le bon. Ben, au moins tu te rappelles quand tu l'as rencontré, tu sais. Ça élimine bien des problèmes avec des rencontres que tu fais, tu sais. Tu dis, on sort ensemble depuis quand? Ben, tu sais, si tu l'appelles Vendredi, ça règle ça. C'était un vendredi. Tu sais, t'as juste réglé. Une possibilité sur 7. Mm-hmm. Tu sais, ça clarifie tout. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime. Mais l'histoire de Robinson Crusoe a été inspirée par une vraie histoire, celle de Monsieur Alexandre Selkirk. S-E-L-K-I-R-C-K. OK. Et qui a vécu de 1676 à 1721, qui était un Écossais. C'est pas un jeu de mots, il vient du comté de Fife, F-I-F-E. C'est le comté en Écosse que je ne connais pas exactement où il est, mais c'est un Écossais qui s'est engagé comme pirate corsaire dû au fait qu'il y avait des démêlés avec la justice et qu'il ne voulait pas passer en cour. Donc, il a quitté, il a pris la mer pour s'assurer de ne pas retourner en cour ou en prison, selon les... C'était des actes de diffamation envers les autorités religieuses qu'il a fait. Oh oui, à cette époque-là, là. Fait qu'il a décidé de faire de la désobéissance civile, mais en se... Ouais, mais il n'y avait pas de loi 78, fait qu'il n'y a pas fait de manifestation, malheureusement. C'est ça. Il a vécu en réalité 4 ans sur l'île. C'est long quand même déjà, là, 4 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle il s'est rendu sur l'île. Parce que c'était volontaire. Ah! OK. Oh. OK, dans le fond, en gros, on va faire une petite récapitulation. On est dans le phénomène de la colonisation des Amériques dans ces années-là. On voyage beaucoup, on commence à reconnaître le monde, on prend ça en considération. Et comme étant un Anglais, il attaquait les régions de l'Inde, la Chine pour enlever les ports français qu'il y avait là et également espagnols. Donc, il était dans un bateau qui a été bien sûr endommagé car ils étaient en guerre, ils cherchaient à faire des attaques. La plupart des attaques auxquelles il a participé n'ont pas vraiment fonctionné. Et sur le voyage du retour, en partant de l'Inde, il voulait revenir vers l'Est, disons, pour revenir vers l'Angleterre, en passant par le Cap Horn, en dessous de l'Argentine. Et ce cher Selkirk lui s'est opposé à l'idée du capitaine car il disait que le bateau n'était pas assez en état pour traverser le Cap Horn, qui est un des endroits les plus dangereux en mer, qui est vraiment très... Il y a beaucoup de chevauchements, dû les deux océans qui se rencontrent, qu'il y a des courants très forts qui sont à cet endroit-là, puis qui a toujours été reconnu comme étant un endroit dangereux pour la navigation maritime. Donc, lui, il a dit « Non, je veux pas y aller là parce que le bateau n'a pas été mis en état. » Je veux pas risquer ma vie. C'est ça. Donc, lui, il prônait l'idée de « On arrête, on remet le bateau en état et on repart vers la mer. » Et comme il ne lâchait pas son point, le capitaine lui a dit « Non, nous, on n'arrête pas, on continue notre route. » Et il a réussi à marchander avec, j'allais dire le terme dealer, mais on va prendre la langue. Très bien. Il marchande. Et il a marchandé avec lui l'idée de l'abandonner sur l'île. Une île de son choix. OK. De son choix. C'est généreux quand même. Ouais. Et il a choisi l'île qui s'appelait à l'époque l'île... Attends, c'est oublié. L'île Masatierra. C'est une terre de plus en espagnol. C'est Masatierra. C'est cette île-là. C'est dans l'archipel de Juan Fernandez. Pour vous situer un peu, c'est tout près de l'île de Pâques. Okay. Dans ces environs-là. Et il a resté là. Et son kit de voyage comprenait un couteau, un mousquet, de la poudre à canon, de la corde et une Bible. Ouais. C'était son nécessaire de survie. Et ensuite, ça va être le sujet de la prochaine partie de la chronique. Qu'est-ce que nous, on emmènerait? Ben oui, pas de question. En comparé avec lui, là. Hein? En tout cas, poudre à canon, sans canon. Hein? Ben la poudre à canon pour le mousquet. Ah, oh, OK, ben oui. C'est ça. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que sur l'île où il a été, il y avait des marins qui avaient déjà laissé des chèvres sauvages en cas de naufrage, des choses comme ça. Pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. C'est ça, avec les chèvres. Pour les manger. Ouais, c'est ça, c'était en pour les manger. Les faire s'accoupler. Ben, ça, c'était assez naturel, il paraît. Là. C'est, ouais. C'est ça, autonome. C'est autonome, des chèvres sauvages, c'est pas toi qui deal, là, qui leur dit « Hey, c'est le temps que tu... » Comme l'expression dit, c'est le faire comme des chèvres, là, c'est, les chèvres, c'est connu. C'est... Ah ouais? Ça, c'est des lapins, je pense. Ouais, mais... Le lapin prône la rapidité, tandis que la chèvre, je pense que c'est... La qualité? Je te laisse amplifier le sujet, mon David. T'as de l'air plus au courant. Non, j'ai aucune expérience avec les chèvres en passant. Non. Ils prétendent tout ça. Puis toi, avec les lapines? Ben, ça court bien. On fait 100 mètres, puis après ça, si je réussis à la rattraper, ben c'est correct. OK. Ça, c'est le lièvre et la tortue. Je pense qu'on se mêle. Non, moi, je suis pas la tortue là-dessus. Okay. Ben, revenons à nos moutons. Oh! Je suis tout mêlé. On parle de quoi? Va-t'en dans le coin-coin. OK. Coin-coin. On va beaucoup trop loin. C'est même pas drôle. Ah, David est parti dans le coin. Bon, ben, on s'est débarrassé de lui, enfin. Et comme je vous ai dit, il a passé 4 ans sur l'île. Mais après 2 ans, ce qui est ironique, c'est qu'un navire espagnol a passé devant. Et lui, il leur a fait signe pour « J'ai besoin d'aide, je veux m'en aller. Oui. » Et ensuite, il s'est rendu compte que c'était des Espagnols qui ont commencé à lui courir après sur l'île. Okay. OK. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment rentré sur l'île pour s'établir là, parce qu'avant, il restait tout près de la côte, principalement. Il pêchait. Son principal moyen d'alimentation était la pêche. Tandis que là, quand il aurait découvert l'intérieur de l'île, c'est là qu'il a commencé à se nourrir des chèvres qu'il avait trouvées à cet endroit-là. Donc, ça a varié son alimentation, mais il était maintenant plus sur l'intérieur de l'île. 2 ans plus tard, donc pour la 4e année, un capitaine du nom de Woods Rogers passe devant l'île, le remarque et il embarque. Comme c'était un navire anglais, la communication était beaucoup plus aisée car il avait gardé, grâce à sa Bible, la connaissance de la langue anglaise. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, tu m'as dit Rogers, je pense qu'il était venu installer le câble puis Internet. Sur l'île. Oh. C'est Rogers qui venait installer. Après ça, il continue ses conversations avec Skype en 1676. Yes! C'est ça le problème. Ouais. Mais dès son arrivée sur le navire, il se lie d'amitié avec le capitaine et il recommence le pillage de la plupart des côtes espagnoles. Donc, après 4 ans d'absence de tout contact humain, il recommence à tuer. Bravo. Oh. Ben, il a appris sa leçon. Ben, c'est ça la religion. Ben, c'est ça. T'sais, à force de passer du temps avec des chèvres, t'adoptes leur comportement. Mmh. Ah, ça tue beaucoup des chèvres? Oh, oui, c'est très, très violent, une chèvre. Ah, ouais. T'as jamais remarqué avec leur corne comment ils tuent rapidement quelqu'un? Ben, pourtant, j'ai pas eu de problème de chèvre dans ma vie. Je trouvais juste que ça se tenait bien, les cornes. Ah! ça donnait une bonne prise. Ouais, tu sais. Hey, je suis pas supposé être dans le coin, moi. C'est une emprise sur la bestialité. Hein? Voilà, voilà. Oh, oh. Hey, religion, bestialité. Wow. Hey, yo, ça a pas d'allure. Et la CRTC est avide de nous appeler. Ouais. Ouais. En 1966, l'île a été rebaptisée en l'honneur de cet homme, l'île Sir Kirk, maintenant qu'on l'en trouve dans l'archipel de Juan Fernandez, wow, qui est la personne qui a découvert et cartographié la plupart des îles, tout simplement. Et parce que au début, moi, le sujet que je voulais faire, c'était des anecdotes drôles, des choses qui se passent en mer. C'est comme, mettons, un capitaine qui se trompe entre son bâbord puis tribord puis qui rentre dans un iceberg. Ouf. Mais il y en a pas. Par contre, j'ai trouvé plusieurs sites qui étaient assez drôles, comme des enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de la mer. C'était assez assez amusant. J'ai quelques commentaires en tête qui m'ont fait rire beaucoup. Tu les partages pas avec nous? Ben, c'était un petit peu vulgaire un peu, hein? Ouais. On a déjà assez certé ça. Que les pieuvres avaient des bras différents. 8 bras, mais différents. OK. Ils ont-tu des noms, chacun de ces bras-là? Non, mais leur longueur est différente car leur utilité est variable. Oh, OK. Et que le principal problème provient des grandes dents, des requins. Ouais, les dents de requin sont un problème. Et savez-vous comment on fait pour différencier une étoile de mer d'une pieuvre? Non. 5 ou 8 bras. OK. Ah. Le fait qu'elle soit un organisme vivant, les deux sont des organismes vivants, faut faire attention. Mais un qui bouge plus que l'autre, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, un qui est, tu sais, tu peux t'en servir comme stylo. Ah. Ben, t'as jamais fait ça? T'as envie de te servir d'un animal pour une autre vertu? À part la chèvre? Oh! Cette bonne vieille chèvre. Oui. OK. Je me tape sur les doigts. Mais c'est ça. C'est des aussi que, dans le fond, il y a les sites de protection des requins que j'ai trouvé, les dauphins qui sauvent les naufragés. Parce qu'il y a toujours eu des histoires, des fables que les dauphins étaient des grands secouristes en eux qui sauvaient des humains. J'en ai pas trouvé d'histoire comme ça qui approchait vraiment cette thématique-là directement, ce que j'aurais trouvé drôle et à amener à l'émission. On avoue qu'ils arrêtaient quand même. Ça a été cool. Oh, oui. Ça a été cool. Ça a été drôle. Ça m'aurait fait bien rire. Mais malheureusement. Donc, on passe au deuxième sujet de la chronique maintenant. Le nécessaire à avoir pour une île déserte. C'est toujours une blague qui t'emmènerait sur une île déserte. Celle-là, elle a été utilisée, mais qu'est-ce qu'on amène comme objet? Est-ce qu'on a une limite du nombre d'articles à amener dans notre panier? Ben, habituellement, quand tu dis t'es en bateau, tu débarques là, comme Monsieur Selkirk, il a choisi son stock un peu. Fait que, je mets pas une limite de nombre d'items. OK. Ah. David, je sais qu'il y a déjà une réponse toute faite. Il a pensé à ça d'une seconde de même. Là, j'ai peut-être changé d'idée, parce que c'est dur. Ben, d'abord, un distillateur à eau. Pour purifier l'eau, s'il y a de l'eau. Parce que tu veux pas boire quelque chose qui est pas nécessairement bon pour toi. Ouais, c'est que ton corps s'habituerait à ça. Ouais, ben ton corps va s'habituer. Moi, j'ai fait de la randonnée en montagne, puis tu sais, ben oui, il y en avait un petit peu de merde de chèvre dedans, puis des chèvres de montagne, mais ta voix, tu te déranges pas trop pour ça, t'es malade le lendemain, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'un coup, t'es habitué, tu peux boire l'eau directement tout aussi longtemps. Parce que moi, j'ai passé 2 étés dans l'Ouest canadien. Puis on avait fait une piste de hébertisme, on va dire. Ouais, mettons. Ben, semi-escalade, tu sais, du hiking qu'on appelle en anglais. Puis on devait boire, on avait 1 litre d'eau, une bouteille de 1 litre. Fait qu'on s'alimentait d'eau directement dans chacune des rivières qu'on voyait sur la piste qui faisait 40 km. Ça a été 2 nuits, 3 jours de marche. Donc, en revenant, on a été malades les deux parce que j'étais avec un de mes amis quand on a fait ça. On a été malades les deux. L'été suivant, j'ai retourné au même endroit. Puis là, je buvais l'eau directement du lac. Puis j'ai jamais été malade. Fait que donc, le corps s'habitue. Le distillateur serait bon pour la première semaine. Puis après ça, ça serait juste... tu sais, c'est de la surconsommation. Comme, mettons, avoir un Mac, un iPod, un iPad. Ouais. Je dis ça comme ça. Ah, OK. Mais les trois sont très utiles. En collaboration, les trois ensemble? Pas juste ça, séparément aussi. Il y a vraiment les trois, David. Oui, mais je pense que c'est un iPhone aussi. Ouais. C'est vrai, pareil, iPhone. Les étudiants sont tellement riches. C'est ça qu'on dit. Ben, je fume pas, je bois pas tant que ça. Fait que, je veux dire, je voyage pas dans le sud. Je veux dire, je peux me permettre de quoi que je trouve utile. Puis au lieu de me faire imprimer, puis que ça me coûte cher en encre, puis en papier, puis en pollution, ben, je suis plus écologique avec une tablette électronique. Le matériel à l'intérieur de la tablette électronique va être récupéré sainement à la fin de ton utilisation. Oui, je vais m'arranger pour que ça soit bien recyclé. Tu le vendras. Oui, je vais le mettre dans une usine à récupération d'appareils. Puis ça existe d'ailleurs des endroits où tu peux mettre un appareil électronique. Il est sa défense, il faut. Mais au moins, il faut donner à César ce qui est à César. David, c'est sa défense. Et voilà. Ouais. Donc, si ta machine à purification d'eau n'est pas une si bonne idée que ça, tu peux quand même continuer ta liste de choses que tu amènerais sur ton île déserte. Ben, je sais pas. C'est compliqué la vie. Moi, j'irais avec, tu sais, souvent, on dit de quand ce serait quoi ton souhait pour un génie, tu sais, ben, ce serait d'avoir 1 million de souhaits, t'sais. Moi, je demanderais juste un génie. L'amènerais. Non. C'est pas des souhaits, hein, c'est pas des vœux, c'est des choses qu'on amènerait, hein, je pense. Ben, l'arme magique. L'arme magique. Ouais, mais ça existe pas. Ou génie dans sa l'arme magique. Ah. T'as-tu une preuve que ça existe pas pour vrai? Ouais. Est-ce que t'es sûr à 100%? Es-tu agnostique des génies ou athée des génies? Je suis athée des génies. Parce que génies. T'es historien. Tu sais qu'on peut pas dire quelque chose quand on n'est pas sûr et certain à 100% que ça n'existe pas. Mais il faudrait trouver le processus scientifique qui pourrait nous démontrer qu'on peut traverser la 4e et la 5e dimension. Ben c'est simple. Tu dois trouver une taverne. Près de l'endroit où a été créée la légende d'Aladin. Okay. Et crier Ali Baba sur chacune de ses portes. Quand tu en auras une qui va ouvrir, that's it. Une fois que tu as été dans la taverne, c'est ça? Ben, une fois que tu es rendu dans la taverne, ben là, c'est là que tu rencontres la lampe du génie, le génie, mais et que tu fais tes souhaits. Ce qui se passe entre l'entrée de la taverne et le fait que tu trouves le génie. Ben, tu sais, il faut que tu laisses quand même un petit peu de péripétie pis de place à la nouveauté, là, tu sais. C'est comme, tu sais, là, l'histoire est toute déjà construite. T'as juste besoin d'y aller pour confirmer ton récit, là. Faut que tu laisses quand même un petit peu de largesse, tu sais, des imprévus, des choses comme ça, là. Trop simple pour moi. Ouais. Garde ta chèvre pis ça va être juste correct. OK. Donne ta chèvre. Moi, personnellement, là, j'ai une petite suggestion comme ça, là. J'amènerais une canne à pêche. Okay. C'est toujours bon de relaxer. Ouais. J'imagine que tout seul sur une île déserte, t'es pas trop dérangé. C'est rien que ça, ouais. Fait qu'une canne à pêche, me semble que ça serait bien placé quand même. T'sais, ça te permet de te nourrir en même temps, relaxer. Par contre, trouver les vers de terre pour pêcher, ça va peut-être être difficile un peu, mais. Un petit morceau de ta propre peau. Ouais, mais là, tu pognes juste des piranhas et trop dedans après ça. Marc. T'es bien difficile. Oui. Aïe, aïe. S'il y a bien quelqu'un que j'amènerais pas sur une île déserte. Je te comprends. Non, c'est pas... Je retourne dans mon coin. Ouais, vas-y, on te laisse y aller. Merci, Mathieu Roy. On se retrouve la semaine prochaine. C'était très, très constructif et en même temps très divertissant. Ouais, c'était le fun. On a passé un bon moment avec toi. Ouais. Fait que là, vous m'expulsez, c'est ça? Non, tu peux rester sûr. T'es la bienvenue. La bienvenue. T'es la bienvenue. La bien. Ouais, ouais. Ben, ramènes-tu ma chèvre ou je te laisse, David? Ramène-la. Ah, vous avez partagé la même chèvre? J'étais pas au courant, là. Ouais. Non, c'est une chèvre de seconde main qu'on appelle. De location. Au seconde main. Oh! Ah, le téléphone sonne, je pense, c'est le CRTC. Oh! Donc, on va continuer en musique, tu sais, Mathieu Roy. Pour vrai, tu restes si tu veux. Sinon, ben, tu sacs ton cœur, tu sais. C'est pas grave. Ouais, j'ai plusieurs tâches à effectuer encore. Bon. Une grosse fin de semaine nous attend. Ouais. Ah, c'est le camp, là, je sais plus quoi, là. Le camp d'orientation. Oui. Après la transition, on fait l'orientation. Mais c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas. Donc, est-ce que tu peux expliquer ton poste par rapport à l'Association générale des étudiants de l'UQTR, s'il te plaît? J'ai été élu à l'AGEQTR. Oui, bravo, bravo, félicitations. Ça n'a pas l'air grandiose. C'est contre la chaise. Oui, ben. Dommage pour elle. À s'en prendre une autre fois. Ben, c'est ça. Ben, par contre, je suis encore assis dessus. Je garde ma position dominante. Comment garder ses assises sur ses ennemis? Et dans le fond, c'est qu'il y a eu le changement d'exécutif. Les gens qui étaient membres l'an dernier ont terminé leur mandat le 1er mai. Et nous, on est rentrés en charge, en fonction, pardon, le 1er mai. Et maintenant, on a eu le camp de transition qui a été dans la première fin de semaine ensuite. Et là, on a notre camp d'orientation où on va tous se mettre au même diapason et travailler au bien de la communauté étudiante. C'est bien. Superbe, ça. Parfait. Ouais. Mm-hmm. Fait que je vous souhaite une bonne émission de radio. Merci. Et on se dit à bientôt. Oui. De retour en studio. À bientôt, capitaine. Ben, au revoir. Merci de nous avoir divertis. On vient après la pause. À vite, croisière de sondage, Ricky Restien. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Vous écoutez la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est fou.

Are You Gonna Waste My Time, en position numéro 13, ça monte d'une place. Et c'est sur leur album Bursting Visions. Plutôt dans l'émission, on a entendu Joel Plaskett Emergency et Your Mind en 14e. Tout à l'heure, on entendra Set the Whale et Hell Songs. Mais avant ça, David Ferreux toujours avec moi à la vie de croisière d'assemblage. Ben, rebonjour tout le monde. Rebonjour. Et maintenant, tiens, je te présente, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, parce que c'est justement la deuxième fois qu'on l'a fait. Mais voici tout de suite la chronique « Tu manges mon cœur ». Mais ça, c'est pas avec Jasmine. Puis moi, comment, excuse, Claire? Quoi? C'est pas avec ouais. Jasmine, ça, tu manges mon cœur? Ben, c'est moi et elle, mais pas là. OK. C'est bon, ben, vas-y. Tu manges mon cœur! Miam, miam. Ouais. Mange mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur de la semaine, finalement, pour d'habitude Jasmine et moi. Ah. Mais là, Jasmine n'est pas là. Fait qu'on va connaître les coups de cœur de Mathieu Plante. Exactement. Et aujourd'hui, je vous présente un top compilé par BuzzFeed.com qui nous présente le top des meilleures choses du monde. Tu sais, les choses les plus satisfaisantes, les plus excitantes au monde. Ben, okay. Excitantes, peut-être un petit peu loin. Par exemple, tu sais, quand t'enlèves le plastique sur un appareil électronique, tu sais, qu'il y a un petit plastique dessus collant, hein, que t'enlèves ça, ouais. C'est satisfaisant. Ouais. T'es content, t'es tout excité, tu sais. J'aime ça juste à te voir les yeux, comme. C'est que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Numéro 2, enlever la colle à l'arrière d'une carte cadeau. Tu sais, la petite colle qu'il y a après, là. Non, je trouve ça chiant, moi. C'est le fun, j'aime ça, ça se tire tout d'un bout. Non, moi, ça me colle tant ses doigts. Ouais, bon. Celui-là, je suis pas sûr que je le partage, là, mais prendre un collier de métal, mettons, tu sais, mais froid, et puis juste le laisser descendre dans ta main, tu sais, juste le. Ça tombe, ça fait comme une pile de dans ta main froide. C'est le fun, non? Je suis pas sûr, celui-là, moi. Non plus. On dit se mettre les mains dans un sac de riz pas cuit. Oui, c'est vrai, c'est thérapeutique. Faudrait que j'essaie ça. Ou encore des fèves. Pas plus cuit. Fun avec du riz. Je pense que oui, c'est plus doux. Oui. Celui-là non plus, je peux pas dire parce que j'ai pas de voiture, mais avoir une tank pleine de gaz. Voiture avec le. Bon, c'est un stress de moins si t'as beaucoup de route à faire. Ouais. Ou tu sais, tu viens de le remplir au complet, tu t'es payé à la traite, là. Ouais. T'en as pour un bout, t'en vas t'en repayer d'autres, t'sais. Ouais, tu mérites de rouler ta voiture. Tu le mérites. Se réveiller en plein milieu de la nuit et réaliser qu'il est beaucoup plus tôt que tu penses. Ah oui, ça, c'est fun. Hey, ça va. Hey, il me reste encore 3 heures à dormir. Ouais. Yes. Ben, c'est un stress de moins quand tu te réveilles puis que tu penses que t'es en retard, mais que t'es pas pantoute en retard. Exactement. Ou encore, s'endormir, prendre une sieste, être super rafraîchi après, mais tu te rends compte qu'il y a juste 10-15 minutes qui sont passées, t'as pas perdu de temps. Tu sais, des fois, là, c'est juste une petite sieste qui te repose, tu te réveilles, hey, j'ai même pas perdu ma journée, c'est le fun. Ben, surtout en fin de session, là, c'est des moments cruciaux. Ouais. Parce que des fois, quand j'ai tendance à prendre une sieste, ça dure 2-3 heures à la fois, puis ouais. C'est moins le fun. Et tu perds beaucoup de temps. Ensuite, s'envelopper d'une serviette ou d'une couverture que tu viens de passer à sécheuse. Qui sent le smog. Oui, oui. Moi, juste des sous-vêtements ou des pantoufles passés à la sécheuse, c'est toujours bien le fun aussi. Bon, oui. Ensuite, gagner sur eBay. Oui, tout à fait. Quoi, j'ai tendance à plus acheter les Buy It Now sur eBay. Tu sais, c'est sûr que tu des enchères à achat fixe que tu sais que tu vas l'avoir. OK, ouais. J'aime pas vraiment miser et espérer gagner ça. Ensuite, prendre sa douche pour la première fois après une coupe de cheveux. Oui. Mais après être dans un camp plein air que t'as sué gros pis que t'es pas lavé, là, c'est encore plus satisfaisant. J'avoue. Ou juste avoir sauté une journée de douche, moi je me sens déjà sale. Ouais, c'est vrai. Déchirer une feuille de papier, tu sais, avec les petits pointillés, mais la déchirer parfaitement. Ouais. C'est très, très le fun, ça. Utiliser une brosse à dents pour la première fois. OK, parfait. Mettre ses lunettes après les avoir nettoyées. On est au courant, tous les deux. Quand ouais. tu nettoies tes lunettes, t'es donc content. Tu vois le monde correctement, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis t'as moins mal aux yeux. Exactement. Lorsqu'une machine distributrice, et là, moi, ça, j'ai pas encore vécu ça parce que ça l'a jamais pris mes maudits billets. Tu sais, les machines qui prennent les billets, là, quand tu prends ton billet de la première fois à sa première, à son premier essai, moi, ça m'est jamais arrivé. Même au 10e essai, ça marche jamais. Non, hein. Ben, des fois, ils fonctionnent pas. En fait, 75% ne fonctionnent pas. Ouais, c'est ça. Ensuite, mettre une nouvelle paire de bas. Ouais. Là, on est toujours dans le top des choses les plus satisfaisantes à faire dans la vie. OK. Enlever ses bas avant d'aller se coucher. Simple, là, mettre tes pieds dans le lit. Ah, oh, c'est doux, c'est le fun, c'est chaud. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais. Avoir ce qu'on appelle un Facebook bingo. C'est-à-dire quand t'as une demande d'amitié, un message dans ton inbox et puis un lien sur ton mur, les trois icônes ont des chiffres à côté. Ça, tu peux avoir le bingo quand tu les mets tout le temps, quand tu les vides tout le temps, alors que d'autres personnes ne sont jamais sur Facebook ou accumulent leurs messages sans aller les voir. Ils ont tout le temps un bingo, ils sont bien contents. C'est ouais. 300, 289 puis 712. T'sais. Wow! Bingo! Bingo! Ensuite, les échantillons gratuits de nourriture dans les épiceries ou dans des festivals. Et c'est vrai que c'est le fun. Ouais. Le petit c'est bout de, des festivals, je pense. Moi, je pense que non. Le petit bout de tarte aussi, oui, c'est des festivals, mais moi, j'aime mieux dire des festivals. Okay. C'est une particularité que j'ai. Okay. Moi, j'aime bien les petits morceaux de tarte au sucre à l'épicerie, c'est bon. Dormir avec son animal de compagnie, c'est toujours le fun. Quand le dentiste dit que t'as pas de caries, ça m'est jamais arrivé, ça non plus. Okay. le feeling que t'as dans ton estomac quand tu descends une côte en voiture, moi, j'haïs ça. Ça, je suis pas capable. Mais il y en a que ça les excite. Non, moi, ouais. c'est les dents, la sensation que ça se fait dans les dents. Dans les dents? Oui. Ah, j'ai jamais eu ça. Non? J'ai jamais eu ça. Tu sais, mettons, quand tu trilles et que t'as beaucoup de fun et que tu le ressens dans tes dents. Non, je sais pas, non. Je peux pas dire que j'ai déjà vécu ça. Ah ouais? Non, pas c'est, dans les dents. C'est un sentiment qui est très grisant. C'est peut-être un sixième sens ou un, je sais pas combien de sixième sens. Ouais. Ensuite, toujours dans le top des choses qui sont les plus excitantes, mais en même temps les plus mondaines de la vie, quand un étranger arrête l'ascenseur pour toi, pour te laisser passer, te laisser entrer, pour que tu puisses... Hein, c'est pas être cool. C'est gentil. C'est gentil, je suis pas sûr que c'est si excitant que ça. Quand les lumières s'éteignent avant le début d'un concert, ok. Voir des photos de tes parents quand tu étais jeune, moi ça m'intéresse pas vraiment non plus. Trouver un parcomètre qui reste du temps dessus, j'avoue que ça peut être le fun. Mm-hmm. Voir un film dans un cinéma qui est vide, ok. Celui-là, je le comprends pas. Réussir à arriver au ratio parfait entre lait et céréales. Moi, tu vois, tous les jours, je mets juste correct de lait parce que c'est toi qui le contrôle ton lait. Hein. Je vois pas comment tu peux te tromper, mais bon. Porter des shorts pour la première fois de la saison. Ouais. Découvrir que t'as un ami mutuel avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Donc, tu rencontres quelqu'un puis il connaît une personne que tu connais. Fait que vous avez déjà un degré de séparation. Regardez votre lait se mélanger dans votre café. Moi, j'utilise du Coffee Mate. Mais moi, c'est faire une petite pile de Coffee Mate avec la bouteille puis le laisser se défaire comme du sable mouvement dans mon Mais mouvement c'est dans mon le fun. C'est très le fun. Quand tu passes sous un pont alors qu'il pleut dehors en voiture, tu sais, la pluie ouais, arrête de ouais, frapper sur la voiture. Ouais. Trouver une frite en tire-bouchon épicée dans tes frites normales au restaurant. Ça, oh. c'est cool. Ah oui. Oh, ou une petite patate à déjeuner dans tes frites. Ah, j'ai faim. Non, moi aussi. On a presque fini le top des choses les plus excitantes, ouais. mais mondaines. Le moment quand t'entres dans une bâtisse et que l'air climatisé te passe devant pour la première fois dans la... Ouais. Et finalement, moi, je dirais que celui-là est vraiment très, très excitant pour moi. Ouais. Et c'est le dernier du palmarès. C'est mettre une cassette dans un magnétoscope. Tu sais, là, pousser. Puis OK, oui, la sensation. Ah, c'est le fun, ça. Hey, mais bientôt, ça sera chose du passé ou une activité comme aller au village d'antan. Là. Peut-être. Mais sinon, ben, ça sera mettre un lecteur, un Blu-ray dans ta PlayStation 3. C'est pas la même chose. Pas pareil du tout. C'est le thrill de... Hey, j'espère que la cassette pognera pas dans la machine. Exactement. T'as ce thrill-là que t'as pas avec un DVD. Là. C'est de l'adrénaline pure. Ouais. N'importe quoi. Mais j'ai deux choses. Est-ce que je peux Vas-y. Y aller? Vas-y, ben oui. Ben oui. Quand tu fais le lavage, tu vides tes poches et que tu trouves un billet d'argent, pas oui. des sous. Un billet. Un 5 piastres, un 10 piastres. Ouais, ou même genre une carte de fête que tu as reçue, mais tu l'as pas ouvert parce que tu l'as reçu par la main. Eh t'sais. Oui, puis il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Puis un beau message, ça, c'est encore mieux. C'est encore là. Mieux. Ouais. Oui, que de l'argent. C'est le fun d'avoir de l'argent, mais le petit message qui va avec est encore mieux. Ouais. Ou encore, tu cherches de quoi de désespérer. Tu sais, pendant des années, ou même des mois, ou même des secondes, tu cherches. Tu as vidé ton appartement, tu as cherché dans tous les raccoins, tu trouvais pas. Et là, tu le trouves. Par hasard. Alors que tu cherchais pas, c'est ça la chose à retenir dans la vie. Ouais. Tu trouves quand tu cherches pas. Ouais, puis ça, c'est tellement satisfaisant, je comprends pas pourquoi il est pas dans le top. C'est vrai, t'as bien raison. Je suis d'accord, on l'ajoute. Yes, c'est fait. D'accord. J'écris à l'auteur. Ouais. Donc voilà, vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage Rocky. C'était la chronique Tu manges mon cœur avec les coups de cœur de la semaine. Et moi, ben, c'était cet article-là de BuzzFeed.com. Il est évidemment sur la page assemblagerocky.com. On continue le palmarès anglophone. On va l'entendre les positions 12 et 11. Tout à l'heure, il y aura Hell Songs avec Walk. Mais on débute avec Set the Whale en 12e place. Ça monte de 3. Voici Loveless. Sur C'est fou, 89.1 FM. Oh! I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in, get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect, walk, respect, it's easy to achieve. You cry to weak friends that sympathize. They hear the violins, they're playing you your song. Same friends tell me you're everywhere. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect. Walk. Respect. Walk. Pièce Walk, position numéro 11 anglophone, ça monte de deux places du côté anglophone, bien évidemment. Et on s'en a entendu Sid Whaley Loveless qui monte de trois places en 12e position sur l'album Little Mountain. C'est la fin de cette heure de la vie croisée d'Assemblage Requis. On se retrouve dans quelques minutes à peine avec entre autres la chronique de Simon Fitzbay pour les nuls. Aujourd'hui, il nous explique un petit peu la National Rifle Association, c'est l'association des fanatiques d'armes à feu aux États-Unis. On aura aussi la musique de Topanga et Foxy Shazam, alors restez avec nous. Assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bonjour, vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis pour la semaine du 21 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Tout à l'heure, ouais, David Ferron est là aussi. Rebonjour. Rebonjour, il était à l'autre bout du studio. Vous voyez comment il est petit, le studio, il a réussi à venir, ça. Ouais, je sais, c'est parce que là, je pense aux invités qui vont tous venir, puis je voulais pas déstabiliser leur place dans le studio. Alors, tu penses aux gens, t'es un généreux, toi. Ben, j'essaye. Ouais. C'est important. C'est fun. Oui. Ça manque de monde comme toi sur la planète. Ben, il y en a plein, je suis sûr. Non, ouais. Toi aussi, t'es très gentil, sympathique. Merci, ça avait l'air comme obligé de le dire parce que je t'ai dit un compliment. Ah, merci pour l'enveloppe que t'as mis en dessous de la table. Ça fait plaisir. Donc, oui, c'est ça. Tout à l'heure, on aura Simon Fitzbay parmi nos chroniqueurs. Il va nous parler dans sa chronique pour les nuls de la National Rifle Association. Plus tard, on aura Justine Renaud en fin d'heure, donc dans peut-être 45 minutes environ, et sa chronique gay Laisse béton. Mm-hmm. Et puis plus tard, après ça, DJ Catardi avec ses artistes et Kim Bergeron avec sa chronique culturelle. Mais pour l'instant, on y va avec du palmarès. On va sauter par-dessus la 10e place, c'est Half Moon Run et Full Circle qui descendent du numéro 2. On va entendre par contre Foxy Shazam avec I Like It, mais on débute en 9e place stable. Voici Topanga et Lionheart à la vie de croisière d'assemblage requis. Qui comme un lion? Ah, il l'a mieux que nous autres. Ouais. Oh! dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il aime ça. Pas sûr, mais je pense qu'il aime ça. Ah, peut-être. Il chante I like it tout le long. Ah, il fallait que j'ai écouté la pièce pour comprendre la blague. Donc, toujours à la vie de croiser l'assemblage requis avec David Ferron qui est toujours là. Mais rebonjour. Simon Fitzbeck vient d'arriver. Bonjour. Et on va commencer ta chronique tout de suite, ça te tente? Hey, j'ai réussi à amener quelqu'un, moi. Une Jasmine Raymond Drainville, qu'on dirait. Prenons celui-là juste là. Salut, dont je parle. Salut. Allô. Ça va? Hey, t'as ça, ma face? Ben voyons, quand même. C'est, ça bouge, ça, cette affaire-là. Je l'approche. Ouais. Salut, c'est beau, c'est on parle des j'espère micros. J'espère que vous en profitez. Et ta robe d'été, en plus. C'est vrai? Oui. Oui. Moins vêtu qu'à l'habitude. Oui. Ouais, toute gênée. Je... Ouais. Non, mais il fait chaud. T'as raison. C'est ça. Hey, t'animes pas avec moi aujourd'hui? Bon. Mais non, là, j'ai un petit peu dans le juice. Juicy juice? J'ai un petit peu dans le juicy juice. I'm in the juicy juice. Okay. Mais la semaine prochaine, je ferai un retour en force. Yes! Voyez-moi. Merveilleux. Bon, ben écoutons tous ensemble la chronique de Simon Fitzbay parce que c'est pour les nuls à l'instant même. Jasmine vient de me dire c'est toi le nul. Franchement. C'est pas fin ça. C'est pas fin. C'est insultant. C'est je serais insulté. Va-t'en, anime pas avec moi cette semaine. Ben, elle anime déjà pas cette semaine. C'est un peu la blague, là, mais bon. Ah, ok. Quand un petit peu moins drôle quand tu l'expliques, mais c'est pas grave. Tu sais, ça job. Ok, c'est bon. Merci, David. Au revoir. Au revoir. Ben, retourne dans le coin. OK. Avec Jasmine, les deux sont chacun dans leur coin. Ils se parlent plus. Donc, Simon, aujourd'hui, on parle de la National Rifle Association. Oui! Sujet lourd. Sujet qu'il faut s'accoter sur les pauses, sinon t'as un gros retour quand tu... Oui, effectivement. Oh, on fait des jokes d'armes à feu déjà. C'est drôle, suite, hein? C'est déjà commencé. Je suis des blancs. Comment on appelle ça, des blanks? Des balles à blanc. Balles à blanc. Oui. Je suis des jokes à blanc. Blanks, blancs, balles à blanc. C'est un anglicisme, je crois, même, balles à blanc, parce que blank... Blank, c'est comme une vraie. Faudrait se poser des questions là-dessus, ouais, éventuellement. Mais bref, oui, la NRA ou National Rifle Association, qui est une organisation à but non lucratif qui agit comme groupe de pression auprès des gouvernements afin de promouvoir le respect du Second Amendement des États-Unis, la Constitution américaine, bien sûr, qui donne le droit, en fait, à tout Américain d'acquérir et posséder des armes à feu. Donc, tout simplement. C'est un droit. C'est basique. Mmh. Ouais, exactement. L'organisation se consacre aussi non seulement à la défense, mais aussi à la promotion de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et l'entraînement au tir dans le sport ainsi que dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas juste pour le sport, c'est pour la chasse, les lapins, tirer le prince d'Angleterre si jamais il veut venir. Eddie Murphy, ça? Non, c'est une joke des Simpsons. Ça, c'est t'as droit à tes armes pour défendre ta famille et si jamais le roi d'Angleterre revient. Pour défendre la souveraineté de l'Amérique. Ah oui, hein? Donc, la NRA est née, oui, peu de temps après la guerre civile, la première guerre moderne. Les statistiques de l'armée américaine à l'époque, l'armée de l'Union, soutient que 1000 balles ont été tirées pour chaque soldat confédéré touché. Ça, c'est un aim d'environ 0,1%. OK. C'est pas très non. Bon, disons. Et c'est pas très reluisant donc pour l'armée. Il faut ajouter à ça, en fait, la constatation d'un retard considérable de l'armée américaine sur les Européens qui développaient des nouvelles tactiques de combat adaptées aux fusils à magasin, chose qui était nouveau dans cette guerre-là. Et lorsque je dis fusil à magasin, pour être simple, c'est un fusil Kmart. Magasin. Ouais. C'est un fusil qui a un Kmart dedans. Mais plutôt, ouais. C'est une chambre où on peut accumuler les balles qui vont être tirées. C'est-à-dire ouais. Que... avec un ressort, là, ben, comme un chargeur. Comme un pèse. Comme un pèse, oui, comme effectivement, pèse. Mais c'est le même principe. Jasmine est comme... On parle de bonbons, puis ça l'allume pas mal. Mais c'est drôle qu'en français, ça s'appelle un magasin. En anglais, c'est un magazine, tu sais. Hein? Comme un magazine. Ouais, disons. Pas mal ça. C'est, en fait, c'est un chargeur. Hein? Chargeur. Un pèse dispenser. Oui. Bref... donc, les fusils à chargeur, parce qu'avant ça, on utilisait les formes mousquets, c'est-à-dire fusils à chargement par en avant. C'est-à-dire qu'on mettait la balle et après ça, on remplissait le poudre à canon et on tirait, ouais. Ce qui était extrêmement long. Donc, c'est William Conant Church, éditeur en chef du Army and Navy Journal, qui a entrepris à tenir, en fait, la première réunion de la NRA à New York en 1871 avec un groupe de vétérans de la guerre civile, bien sûr. Trois années après la formation, le groupe organise également la première équipe de tireurs d'élite suite à un défi lancé par l'équipe irlandaise de tir, donc une équipe amateur, non pas dans l'armée. Les Américains ont remporté la compétition grâce aux armes de la compagnie Sharp's Rifle et Remington Arms. Je me demande si c'est la compagnie Sharp et la compagnie Remington. Remington, je suis pas mal certain. Ouais. Sharp, par contre, c'est ce que je me demande. Parce que les autres font plus des calculatrices et tout ça là, maintenant. Mais, ouais. C'est bien possible qu'ils aient commencé par faire des armes. Mm. Et donc, ils leur ont fabriqué des armes expressément pour ce concours. Et suite à la victoire, différents clubs sponsorisés de la NRA furent mis sur pied dans différents États américains. Il y a également George Wood Wingate, qui fut le premier secrétaire de l'association, qui a également couché sur papier les premiers manuels d'instruction pour les nouvelles tactiques de maniement d'armes modernes, et ce fut son manuel d'instruction qui fut adopté par les forces armées au début des années 1900. L'association a également mis en place un programme d'amélioration des talents de tireurs de soldats dans l'armée nationale. Ça, j'arrivais pas à traduire le mot marksmanship, alors... Et Conan, hein? Ouais. Ouais, je sais pas. Que... Bref. Le lien avec l'armée a été également avec de la NRA, avec l'armée a été pendant les premières années d'existence quand même assez près, en fait, puisque le premier président fut le général Burnside, un ancien de la guerre civile, et un autre ancien général de la guerre civile, mais également ancien président des États-Unis, Ulysses S. Grant, ouais, a été le huitième président de l'association après son mandat. Je crois qu'il a fait juste un mandat, David. Mais on n'est pas spécialiste en histoire des États-Unis. Il me semble que c'est juste un mandat. Il me semble que c'est juste ça. Je vais aller vérifier. Au niveau des finances, écoutez, la NRA, là, c'est une organisation qui ne paie pas d'impôts selon la loi 501C4, c'est-à-dire c'est les 24 organisations qui ne paient pas d'impôts. Deux mandats. Il a fait deux mandats, donc il est Ulysses S. Grant. C'est une organisation qui a fait en 94, en tout cas, 150 millions de dollars. Mmh. Ouais. 66 millions en 1986. Donc, il y a une augmentation constante au niveau de l'argent, parce qu'en 1990, ils ont mis 15 millions, entre autres, dans des nouveaux locaux pour la NRA à Washington, qui est installée d'ailleurs à Washington. Il est parti de New York vers Washington au début du 20e siècle. Également, c'est une organisation qui a 80 employés qui sont en temps partiel. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et ça fonctionne sous forme de dons. Ils ne font pas, ils ne vendent pas de produits autres que des dons qui vont avec le fait d'être membre. Mm-hmm. Salut, Jasmine. Jasmine s'en va. Non. Elle n'a pas le temps. C'est pour ça qu'elle est pas là. Elle s'en va acheter de la bouffe pour l'AGR. Elle fait l'épicerie pour le camp de l'AGR. Non, c'est fini. À la semaine prochaine. Hey, salut. Je suis en onde, là! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je suis en onde, là! Ah, ah, bonjour! Ah, ça joue à la radio, cette affaire-là? Là! Alors, ça. Et donc... C'est ça. Donc, il y a 80 employés et ça fonctionne sous forme de dons. Il y a beaucoup de critiques plutôt qui sont venues également à la NRA. Et ce qui est très, très drôle de ce côté-là, ouais, c'est que les critiques viennent d'autant d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont pour le contrôle des armes à feu qui leur disent que, en fait, la mission de la NRA est beaucoup trop axée sur non pas les droits civils, mais les droits individuels de défense de la personne elle-même contre n'importe quoi, ouais, aller même jusqu'au gouvernement et les organismes gouvernementaux et l'armée et les milices également qui veulent pas sponsorisent en utilisant le programme, entre autres. Un programme très intéressant dans la NRA, c'est que aller jusqu'en 1996, ils récupéraient les vieilles armes des soldats pour les donner aux civils, pour les former avec les armes pour qu'éventuellement ils puissent aller dans l'armée. OK. Ça peut n'importe quoi, ouais, mais c'est la formation des milices également. Et donc, on les critique d'être trop à droite et d'être trop dangereux en faisant une promotion unilatérale du port d'armes. De l'autre côté, il y a d'autres organisations d'armes, entre autres la Jews for Preservation of Firearm Ownership. Et oui, il y a des juifs, en fait, qui veulent la protection des armes à feu aux États-Unis. Également, les Gun Owners of America, la GOA, qui, eux, critiquent la NRA comme étant beaucoup trop à gauche et beaucoup trop conciliant pour ce qui est des lois sur les armes à feu. Étrange, ça. C'est particulier, n'est-ce pas? Et donc, ça fait partie des critiques générales qui sont faites envers cette cette organisation-là, qui est toujours très, très présente aujourd'hui, qui a été remis à l'avant-scène, si on veut, et un peu pour tout le monde, partout dans le monde, par le film Bowling for Columbine. Hein, excellent de film. Moore. Ben oui, oui exactement. C'est entre autres parce qu'on interviewait Charlton Heston, oui. qui a été président de l'association de la NRA de 1996 à 2003. Il est mort peu après, ou je crois? Oui, je crois qu'il est mort en... Le film a été réalisé... En 2003, je pense, 2002-2003. Le film? Bowling for Columbine. Non, ça a été fait avant 2001. Ça a été fait, je pense, en 1999-2000. Ah Charlton oui, je me mélange avec Fahrenheit. Et d'après moi, Heston a dû mourir en 2004-2005, mais il allait plus bien vers la fin de sa vie. Bowling for Columbine est sorti en 2002, mais sûrement filmé avant. Je gagne mon point. Félicitations, David. Je vais être l'arbitre ici. Désolé. Merci, merci. Bonne chose. Et donc, bref, Charlton Heston a été président de l'association et a été donc une personne qui a aidé à la NRA de la mettre de l'avant. La NRA a toujours resté très très près de la politique et surtout à côté du Parti républicain, hein, qui sont les plus à droite et les plus près de du mouvement pour le port des armes à feu. Mais il faut dire que certains démocrates sont aussi en faveur du port d'armes et vont le défendre vraiment jusqu'à leur mort, comme comme voulait le faire justement Charlton Heston. Et c'est le cas du vice-président des États-Unis, Joe Biden. Non, pour vrai? Joe Biden a été engagé, si on veut, comme vice-président des États-Unis, comme étant un genre de contre-ballant contre Barack Obama. Il est considéré à gauche, mais si on regarde sur notre échelle de Canadien, il est très, très centre-droite. Ouais. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, on accusait Barack Obama de vouloir restreindre justement les droits de porter des armes à feu. C'est quelque chose que Joe Biden a toujours défendu, en fait. Et on a pu l'entendre dans plusieurs conférences qu'il faisait un peu partout aux États-Unis, à dire que il faudrait justement que Barack Obama lui prenne ses armes de ses cold dead hands. C'est vraiment l'utilisation du mot qui a été... cette expression-là est utilisée sans cesse chez les fans d'armes à feu. Ouais. Chez les... comment on appelle ça? Les gun nuts aux États-Unis. Hein? Donc, chez les membres de la NRA. Et c'est ce qui est le cas de Joe Biden et de plusieurs membres du Congrès américain. Et là, il y a eu... une avancée, si on veut, du côté de Barack Obama qui a dit qu'il aimerait peut-être quand même se pencher sur le cas des armes, entre autres armes longues, donc des armes de chasse, les armes plutôt les AK-40, on dit les Kalachnikov AK-47, les gros fusils d'armée dans le fond, qu'un soldat utilise. Il se demande pourquoi quelqu'un de comme toi ou moi a ça chez eux. Vraiment. Donc il y a eu un genre de polémique autour de ça il y a quelques semaines. Bon, la NRA est rentrée tout de suite au niveau dans le débat. Les droits et tout ça. Là, ouais, exactement. Ouais. Et on fait la tournée des médias et faut dire qu'on a probablement quelques médias dans sa poche. Là, lesquels, la, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça. Fox News! Oh. Fox News et... Sun News. Rush Limbaugh. Ouais. Et il faut dire aussi que la NRA est considérée comme étant le plus gros lobby américain. Donc, c'est le plus gros lié à Liberton. Oui, exactement. Tout lobby confondu, c'est le plus gros. Ah ouais. Dans tous les styles, même au niveau de l'alimentation, ça bat pas ça. Au niveau des forces armées comme telles, ça bat pas ça. C'est vraiment le droit des armes à feu qui est le plus important aux États-Unis. Plus que la santé, ce qui est assez incroyable. Et c'est ce qui m'amène à parler, en fait, de ce qu'on a, nous, au Canada, qui est un peu comme un genre de contre-ballant, si on veut, de la NRA, puis en fait, qui est un peu à l'opposé de cette mentalité de la National Rifle Association. C'est le registre canadien des armes à feu, le défunt registre, hein, comme on l'appelle, oui, regretté. Pour armes longues. Mais là, on parle du registre en général. En fait, c'est une base de données qui est tenue par le gouvernement du Canada, donc qui a été mise sur pied en 1995. Et qui sert tout simplement à recenser tout ce qui a rapport aux armes à feu au Canada. On parle pas simplement d'armes de chasse, mais on parle aussi de fusils par rapport normal, là, comme tout le monde a sur de soi. Crimes de rue et de crimes de rue. Je me protège à la maison. Là. Des Glock 9 mm, etc. Donc, qui a été mis sur pied, comme je l'ai dit, en 1995. Ça a été mis à l'avant par le gouvernement de Jean Chrétien, bien sûr. Et c'est le ministre de la Justice, Alan Rock, et par la suite, Anne McLellan, qui... ont poussé le dossier le plus possible pour que ça soit accepté. On voulait, bien sûr, réduire le crime en ayant une façon de retracer toutes les armes. Ouais. Il a été décrié, en fait, par plusieurs, ce que les conservateurs, entre autres, vont emmener de l'avant. Ils vont dire, entre autres, que c'est une atteinte à suivre la circulation des armes à feu illégales, hein, parce qu'on suit celles qui sont légales, mais on ne sait pas plus qu'est-ce qui se passe avec celles qui sont illégales. Ça se bute également à la résistance des propriétaires d'armes à feu, car ils doivent déjà enregistrer leurs armes à autorisation restreinte, c'est-à-dire les revolvers et toute arme achetée. Ça, c'est déjà conclu. Quand tu achètes un arme à feu au Canada qui n'est pas une carabine, mm-hmm. il faut déjà que tu l'inscrives. Il y avait déjà un registre qui existait depuis beaucoup plus longtemps. Et il faut enregistrer, c'est-à-dire toutes les armes à feu, ça serait une tâche énorme, quoi qu'on a réussi à le faire pendant plusieurs années. Puis ils ont réussi à le faire pour les autos aussi. On le fait pour les voitures, différence? On le fait pour les bateaux, pour à peu près n'importe quoi. Oui, on peut pas. C'est rendu c'est plus difficile d'aller pêcher à l'année que d'avoir un gun chez soi. C'est assez incroyable. Et donc, ça a été dans les critiques qui ont été faites par rapport à ça. On sait également que le registre d'armes à feu est mis avec également la fameuse loi 92 du code criminel, fait que pour posséder une arme à feu, il faut qu'elle soit enregistrée, mais il faut également qu'elle soit entretenue de la bonne façon, c'est-à-dire toujours cadenassée. Hein, on vend maintenant des cadenas qu'on retrouve également dans tous les magasins où on vend des fusils, sont tous cadenassés. Maintenant, il y a beaucoup de magasins qui ne vendent plus les armes à feu, mais ils doivent continuer de vendre des accessoires, comme mettons Kmart, après Bowling for Columbine, ils arrêtent de vendre Ils doivent vendre quand même des accessoires comme les cadenas, des trucs comme ça. Quoique aux États-Unis, ça m'étonnerait que les cadenas soient si populaires que ça sur les armes à feu. Ça comme ça. Ils s'en servent pour leur bicycle. Oui, exactement. Mais ces armes-là également doivent être, c'est-à-dire toujours rangées dans un endroit sécure, c'est-à-dire donc cadenassées, parfois même dans un rack à flingue, comme on dit dans Wayne's World. Un display, là! Un display. Pour ce qui est des armes longues, en fait, pour ce qui était des armes longues, parce que là, maintenant, c'est un peu oublié. Mais pour ce qui est des armes de poing, les armes d'armée, les vrais fusils, dans le fond, qui peuvent... Ben, en fait, tous les fusils peuvent tuer, mais ceux qui sont encore régis sous le registre des armes à feu, sous les lois, doivent être cadenassés, mais également serrés dans un équivalent d'un coffre-fort ou d'un autre endroit, c'est-à-dire une mallette fermée à clé, des trucs comme ça, et doivent être transportés là-dedans. C'est-à-dire que tu peux pas prendre ton arme, même cadenassée, la mettre sur ton holster et te promener dans la rue. Entre tes cuisses, chauffer ton char. Exactement, t'as pas le droit de faire ça au Canada, et je crois personnellement, et je vais être éditorial, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ben, c'est sûr. Et si tu veux aller donc tirer du gun sur un... dans un gun range, comme on dit en anglais, en français, c'est parce qu'on n'est pas assez habitué, un champ de tir. Un champ de tir, c'est bien dit. Oui, un champ de tir. Un champ de tir. Pour aller sur un champ de tir. Bref, si... David ajoute tout le temps la note qu'il fallait. Merci. Et donc, si tu veux aller tirer du gun sur ton champ de tir, eh bien, il faut que ça soit dans une mallette sécurisée. Et ça, c'est encore en vigueur et ça risque de le rester encore plusieurs années. Il faut bien sûr avoir un permis de port d'armes à feu pour avoir un gun. Et d'ailleurs, Jasmine, ça va passer. C'est ça, je trouve ça dommage qu'elle soit partie parce qu'elle s'en va passer. C'est vrai, son avec permis. Son père. Oui, ouais, avec son père parce que son père va avoir une carabine. Et donc, il faut qu'elle aussi, je crois, le passe vu qu'il reste comme officiellement dans la même maison, même s'il reste pas dans le même appartement. Ah, OK. Il me semble. Je pense que c'était pour aller tirer avec lui. J'aboie mal tirer du gun. Moi aussi, c'est bizarre. Hein? Ouais. Dans un stand de tir. Ouais, sûrement. Écoute, oui, je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas pour pas pour être méchant, mais je ferais pas confiance. Ben, son nom, c'est Jasmine Lagaffe Drainville sur Facebook. C'est ça, exactement. Pas exactement. Sûr que je me sentirais en sécurité. À d'autres talents, mettons. Elle a d'autres talents. Et pour terminer, oui, effectivement. Pour terminer, je dirais, entre autres, bon, que les conservateurs se sont battus pendant plusieurs années pour éliminer celui des armes à long canon, en fait, des armes longues, des armes d'épaule, qui servent beaucoup à la chasse. Dans le cadre des dernières élections, hein, on disait que finalement, le gouvernement Harper allait arrêter c'est-à-dire les fermiers et les chasseurs vont arrêter d'avoir l'air de des criminels. Pour vous donner une idée, là, un arme à feu, un arme d'épaule, ce que ça prend pour l'enregistrer, c'est appeler. Avoir une épaule. Oui, avoir une épaule et appeler donc au registre des armes à feu et dire « Hey, j'ai une arme d'épaule. Merci, au revoir. That's it. » Et on trouvait que c'était fort. Et donc, on avait, par contre, il faut donner ça aux conservateurs au niveau de l'économie, hein, parce que c'est surtout ce qui est leur cheval de bataille. On disait que ça allait coûter 2 millions de dollars lorsqu'on a introduit le fameux registre en 95. Et finalement, ça s'est totalisé environ 1 milliard de dollars sur 11 ans. mais sur 11 ans, c'est-à-dire environ une centaine de millions de dollars par année, c'est pas tant pire que ça. Pour la sécurité des Canadiens, là. Oui, exactement. Et pour, on en demande plus aux étudiants pour les... Commentaire éditorial encore. De scolarité. donc, le coût pour le continuer, en fait, a lieu jusqu'en 2009. On disait que c'était environ 68,5 millions de dollars que ça coûtait. Donc, ça diminuait d'année en année puisque, justement, tout ce que les gens avaient à faire, c'est appeler, enregistrer avec numéro de téléphone, adresse, etc. et le garder comme ça. Donc, depuis 2011, en fait, on ne prend plus en note les informations des Canadiens. Ouais. Les Québécois, le Québec, en fait, et l'Ontario ont déjà démontré leur souhait de vouloir garder le registre. Mais ça a déjà été détruit, donc il faudrait recommencer à zéro? Je crois que ça n'a pas été détruit. Okay. Ça serait, si c'est et quelque chose... Oui, ben exactement, je trouverais ça, excusez encore auditorial, mais je trouverais ça vraiment niaiseux de pas avoir de backup et d'archives, surtout lorsque tu es un gouvernement. Tu ça change garder souvent. Oui, exactement. Les décisions peuvent changer. Le seul problème, justement, qu'il y aurait avec le Québec, et ça, on l'a emmené de l'avant, c'est qu'il y a des gens qui déménagent dans la vie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vendent leurs armes ou qui s'en débarrassent. Donc, il va falloir vraiment Il y en a qui se suicident avec. Oui, aussi, effectivement. Hein? Ouais, mais c'est une blague, mais en même temps, c'est vrai. Ouais, c'est une réalité. C'est un fait. Superbe. Oui. On essaie de rapatrier le tout. Je me demande si on va réussir à le faire. Mais tant qu'on n'aura pas une organisation aussi forte que la NRA au Canada, je serai heureux de pouvoir vivre ici dans ce pays. Ou même si on peut avoir des armes d'épaule, c'est pas comme si c'était considéré comme un droit inaliénable d'avoir un gun. Et vous savez, en passant aux États-Unis, là, si le président fait, en fait, un candidat à la présidence comme Barack Obama veut faire une conférence, eh bien, ils ont pas le droit de vous interdire d'y aller avec une arme à la ceinture dans certains États aux États-Unis. Il y a des gens du Tea Party qui le faisaient, qui se promenaient pas loin de où c'est que Barack Obama faisait des discours avec un gun. On est chanceux de pouvoir avoir eu de récemment de meurtre, parce que je veux dire, il y en a qui sont fous dans la tête. Ben écoute, ça a passé très près, par contre, avec la dame, Gabby là, Gifford, Gabby qui Gifford. A été tirée à bout portant, en fait, dans le front. Ça arrive pas plus souvent, ça me surprend. Oui, elle a été... Oui, moi aussi, ça me surprend, franchement, parce que, en fait, c'est une des raisons qui fait que la NRA est toujours là, est toujours aussi influente. Et il faut pas oublier aussi leur autre slogan, c'est les armes qui tuent pas... c'est les personnes qui tuent pas les armes. Oui. Et donc, si tu veux avoir des armes pour le plaisir, eh bien, c'est ton droit. Que c'est démagogique. Vraiment. Et les fans de Family... non, pas de Family Guy, mais plutôt d'American Dad vont reconnaître cette image loufoque qu'on fait de la NRA parfois lorsqu'ils vont à des réunions. T'as comme la mascotte qui est une grosse balle. une grosse balle d'armes à feu, dans le fond, sous forme de mascotte. C'est vraiment très, très drôle. Les jeunes qui tirent des balles de ketchup, etc. sur des gens. En tout cas. Incroyable. Ouais. Mais merci Simon de nous avoir enseigné là-dessus. Ben, c'est moi qui vous fais plaisir. C'est moi qui vous fais plaisir. Ça me fait plaisir. Mais tu nous fais plaisir aussi, là. Non, mais franchement, la grosse semaine, les gars. Voilà. Mais merci de venir faire ta chronique quand même, malgré tout. Ben, non, mais ça fait plaisir, puis j'adore ça. Puis là, c'est quoi le prochain sujet, messieurs? Ouais, c'est difficile, hein? Ça peut, là. On rappelle à tout le monde que c'est nous, les animateurs, qui choisissons les sujets pour Simon à chaque semaine. La semaine passée, c'est nous qui avions trouvé celui-là. OK, c'est bon. Donc, David, si t'as un sujet... Évidemment, c'est une chronique de 15-20 minutes, là. Faut pas prendre un... Je t'aurais demandé, genre, explique-moi, mettons, l'Internet. Je pense que t'auras pas assez de 20 minutes. C'est le plus facile. C'est des tubes avec des chats dedans. C'est ça, puis c'est Al Gore qui a apprivoisé ses chats. Ouais. Explique-nous l'histoire avec un H. Non. Ça on va pas aller. Non. On mélange pas le travail et le plaisir. Voilà. Parce que pour toi, l'histoire, c'est pas un plaisir. Oui, mais disons que, enfin, bref. Mais c'est vrai quand que... Quand t'es pas en train d'étudier. J'exprime hors d'onde, mais on peut au pire aller à la pub et au retour, vous l'aurez trouvé. On brainstorm. Vendu, on revient tout de suite à la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. Mais non, c'est pas grave, là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec David Ferron. Hey, bonjour. Simon Fitzbé. Bonjour. Et moi-même Mathieu Plante. On n'a pas du tout parlé du sujet de Simon. De quoi est-ce que tu parlerais bien la semaine prochaine? Attention, mais on regarde autour de nous, voir si... On va faire une grosse roue avec des sujets. Ce serait bien. Ça amène le... Mais toi, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie, Simon? À peu près tout. Tout! Ou sinon, qu'est-ce qui t'intéresse pas? Ah, bah c'est bon, j'aime ça. Ce qui t'intéresse pas, ça serait cool. Pourquoi tu parlerais pas des choses qui veulent rien dire puis qu'on prenne trop de signification pour rien? La non, lutte. Non, que ça soit une chose, un concept ou quelque chose. Pas de quoi de trop vague, là, parce que sinon, on va partir sur des... Quelque chose de précis, OK, bon, quelque chose de précis. Attends un peu. Nicki Minaj, qui est une magazine, là, non, c'est pas... non, ça non plus, je parlerai pas de Nicki Minaj. C'est dur, hein? C'est difficile. Attends, ben, je sais pas, là, je regarde sur une page d'actualité pour voir si ça pourrait inspirer, là. Ce serait bien de pouvoir s'imprégner un petit peu de quelque chose de courant, tu sais, expliquer quelque chose qui a un sens dans la vie d'aujourd'hui, tu sais. Mm-hmm. Ben, gastronomie, est-ce que t'aimes ça? Gastronomie. Non. Ah, ben, c'est bon. On pourrait s'essayer, un peu, les différents types de fromage. Ouais. Il y en a 8 au Québec. Il y en a 8 au Québec? Est-ce que tu voudrais nous parler de fromage québécois? Pas vraiment. C'est plate à mort. Hein? OK. On va écouter un bloc de palmarès. Ouais. On en reparle encore après. On va remettre ça jusqu'à la fin de l'émission. Brainstorm. On va entendre The Shins tantôt avec Simple Song qui monte de 2 places. Mais on débute avec The Mars Volta qui monte de la 11e en 6e place. Voici la Pochka. La Pochka. La Pochka? La Porsche, pas la Polka ni la Pochka. La Pochka. La Polska. Polka. Allez, des cornichons, des polchka. C'est pas une sorte de cornichon. Revenge and whimsy spell. The Mars Volta et La Poche Camp au son numéro 6. Ça monte de la 11e place. C'est sur l'album Nocturnicate. Hein? Et de 11 à 6, c'est là pour la calcul que j'ai de la misère à faire. 11 à 6, on dirait, je sais pas pourquoi, je suis pas bon là. 11 à 6, c'est combien? C'est 5 positions. 5 positions, évident. Quand tu y penses, c'est évident. Quand tu fais les éphémérides aussi, ça devient facile parce que tu comptes tout le temps à l'envers. Tu ouais. Ça avec des dates, des années. Tu finis par être complètement à l'envers. D'ailleurs, ouais. Il a la tête en bas en ce moment. Oui. C'est de la tête wow. Rouge. Spider-Man. Oui, son carré rouge. Ok, ouais, Spider-Man aussi. Ouais. Donc, Simon Fitzbig est toujours avec nous parce qu'on n'arrête pas de remettre à plus tard la décision du sujet de la semaine prochaine. Ouais, et, ça commence à être un petit peu redondant et plate de se remettre ça plus tard. Donc, c'est quoi le sujet de la semaine prochaine, Simon? Ben, comme on en a convenu, en fait, je vais vous parler de l'anticonceptionnalité, hein, mm-hmm. Les méthodes pour empêcher le tombage enceinte. Le tombage d'enceinte, qu'on dit. mais surtout aussi, on va parler par rapport à l'actualité, ce qui se passe aux États-Unis. Du côté de ce qu'on essaie. On essaie toujours d'empêcher hein, le tombage. On essaie d'empêcher l'empêchage de tombage enceinte. C'est ça. On repousse la vie du fœtus et on veut aussi empêcher l'argent, que les assurances repaient aux femmes leurs pilules anticonceptionnelles, mm-hmm. etc., etc. On va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. Grosse affaire. On se tient dans l'actualité avec Simon Fitzbé, sa chronique pour les nuls la semaine prochaine. Ah. On va faire tes plugs qu'on n'a pas fait tantôt aussi. Ah oui, c'est vrai. J'ai un plug, moi. Ouais. Plugging time. Commençons par les lundis soirs où tu animes ton émission un genre de bleu. C'est entre 20h et 22h. Mm-hmm. Ouais. Jazz. Une émission de jazz et blues une fois de temps en temps, mais plus jazz. De plus en plus de jazz. Oui. De jazz en jazz. De jazz en jazz, on jazz de jazz. On jazz de jazz. Une station de radio qui est. Ouais. Je voulais appeler ça comme ça jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y a une émission de radio qui s'appelle On en jazz. Ah oh. Genre. Ouais. Ouais. Qui étonne un peu cheesy. Ouais, bon. Jazzy. Donc c'est Jay-Z. Oh, ok, comme le rappeur. Mais au Canada, on est supposé dire Z hein, à la place de Z, fait que c'est-tu Jay-Z, on sait pas. Oh. Ah, c'est vrai. Donc, c'est les lundis entre 20h et 22h. J'ai piqué cette joke-là à une autre émission, je ne me fais pas laquelle. Ça joue les mercredis à 13h et les dimanches à 17h. T'as aussi l'album classique les vendredis matin à 10h. Oui, et si vous nous écoutez dans notre édition originale, ou en fait, bref, le 25 mai, l'édition du 25 mai qui va être diffusée 2-3 places, je pense. Ouais. Ça va être la second contribution de Sean Phillips qu'on va vous présenter. Cool, donc c'est vendredi à 10h. Ça repasse, tu le dis, dimanche à 13h. Oui. Et mardi à midi. C'est voilà. Ça. Et tout l'été, tu as les rediffusions de Catalepsie, ton émission musicale thématique, avec un sujet des plus variés à chaque semaine. C'est les samedis à 19h, entre autres. Voilà, merci Simon pour vous. Merci, messieurs, madame Dame. Qui est arrivée et madame qui était là tantôt, qui est partie en plein milieu. Ce qui a fait de changer un peu... la dynamique. Le professionnalisme de la chronique, ça a baissé. Colin, merci. Non, mais je parle pas de vous autres. Je parle du fait que... Comment dire... On a souligné son départ en onde alors que... Puis qu'il la parlait loin de même. « Hey, là, il faut que je m'en aille! » Ouais, c'était beau, c'était professionnel. Ben, c'est parce qu'on voulait souligner Jasmine en tant que co-animatrice exceptionnelle, parce que c'est une bonne co-animatrice, puis... C'est, ça fait bizarre de ne pas l'avoir, c'est pas la même... Pas pareil du tout. Mais Justine Renaud qui vient d'arriver, bonjour! Hey! Et votre fille! J'étais sur mute depuis les 5 dernières minutes, le temps que Simon Fitzbé accouche de son idée pour la prochaine. Excellent! Oui, j'espère que tu vas aussi aborder le fait que Harper essaie de remettre sur la table ce débat-là d'avortement, je trouve ça absolument pitoyable. Voilà mes sentiments à cet effet. Voilà. Le temps file. On a d'autres chroniques à faire plus tard dans la dernière heure. Donc, Justine, sans passer en musique, est-ce que tu es prête à faire ta chronique tout de suite? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Bon, ben, OK, on la va là. C'est Les Béton. Hein? Ah! You're unbelievable. You're so unbelievable. Bienvenue à ma chronique Les Béton, la chronique qui se fait en trois parties, film, musique, web. Et je vais te dire tout de suite, parce que je sais que tout à l'heure, tu vas être occupé en train de peut-être m'écouter, mais je vais te dire c'est quoi la chanson qu'il va falloir que je mette tout à l'heure. Bonne idée. Parce que sinon, t'en auras pas de pause. C'est le groupe Ahaher. Exactement, le groupe Ahaher. Et la chanson, ça va être Not a Love Song. Parfait. Cherche-moi ça. Merci. Yes. Fait que commençons tout de suite pour ma première partie de la chronique sur un film lesbien très, très softcore, très facile à assimiler. Du titre de Saving Face, en français, ça s'appelle Pour sauver l'honneur. Et c'est de la réalisatrice Alice Wu, avec les actrices Michelle Cruzier, qui joue Will, la jeune femme lesbienne, et Joan Chen, sa mère. Joan Chen, qui a d'ailleurs gagné, qui est quand même une grande actrice en Chine, et qui aura gagné Best Award for Best Actress en Chine. Fait que, entre autres, c'est pas rien. Ils ont quand même été chercher du bon cast. Alors, ce film, qui est en fait une comédie lesbienne sortie en 2004, qui raconte l'histoire de Will, une jeune chirurgienne lesbienne sino-américaine. Sino, c'est les Chinois. Hein? OK, voilà. Je savais pas ça. Celle-ci tombe en amour avec la fille de son boss de l'hôpital. Dans le fond, cette fille-là, qui se nomme Viviane et qui est une magnifique danseuse. On tomberait tout en amour avec n'importe quelle danseuse. Pas une danseuse cochonne, une danseuse vraiment, genre dans les ballets et tout. Oui, oui. Et en fait, cette histoire-là prend un tournant assez drôle lorsque un jour, sa mère débarque chez elle par surprise et vient complètement chambouler sa vie, surtout en rapport à son homosexualité. Sa mère, bien sûr, chinoise, est très traditionnaliste, conservatrice. Ouais. Mais en fait, ce qui est drôle à savoir, c'est que sa mère s'est fait bannir de chez elle ailleurs à New York, là, parce qu'eux autres, ils habitent à New York, s'est fait bannir de chez elle par son père, le grand-père à Will, OK? Et parce que sa mère est en fait veuve et serait tombée enceinte. Alors, elle n'est pas bien mieux que sa fille. Et sa mère pourra retourner chez elle à condition qu'elle se remarie. Donc, ça va être toute cette histoire-là de Will qui essaie de trouver un bachelier chinois pour sa mère, son histoire d'amour avec la jeune Viviane dans ça. C'est sa mère qui essaie de matcher aussi sa fille avec un jeune homme. C'est assez comique. Je trouve que ça a été un film bien réussi pour la légèreté du tout. C'est pas très dramatique, là, mais c'est vraiment de base. Si vous êtes vraiment beginner en matière de lesbianisme, commencez par ce film-là. C'est assez cocasse. Passons maintenant en musique, parce que je sais que le temps file. En musique, parlons du groupe gay assez qui commence à être très bien connu ces temps-ci, Her, qu'on a mentionné tout à l'heure. En fait, le nom du groupe viendrait du titre d'un des albums de PJ Harvey, du même titre, dans le fond. Un de ses albums se nommait Her. Et alors, suite à cette confusion et la difficulté de prononcer Her, puis il y a tellement de H, que le groupe même voudrait parfois se nommer UHH. Ça. Mais c'est comme pas officiel encore. C'est pas comme clair. Trop à la mode, les acronymes. UHH. En tout cas, moi, je préfère Her. On dirait que t'es comme Ou encore, juste UHH, ça fait Ouais, c'est ça. Oh. Bref, ça c'était coupé le souffle, littéralement. Ouais. Alors, ce groupe est né en janvier 2007. C'est un groupe très, très jeune encore, qui est composé du couple de deux jeunes femmes, Camilla Gray et Leisha Haley. Camilla Gray joue la guitare, les claviers, aussi la main vocaliste, la voix du groupe, et Leisha Haley qui joue la basse, le clavier, et Leisha Haley qu'on peut aussi voir dans la magnifique Alice Piazecki dans la fameuse série télévisée The L Word, qui a vraiment beaucoup pogné au sein la communauté gay. Alors Leisha Haley qui est vraiment une giga star du monde gay là. Okay. Voilà, maintenant membre de Her. Alors, le genre de musique que ce groupe-ci joue, c'est indie rock, électro-pop. Franchement, c'est assez mellow, marshmallow comme musique. C'est pas tout à fait mon genre, c'est très pop, hein. Mais c'est quand même relativement bon si on cherche à écouter quelque chose de smooth, easygoing pour le cerveau. c'est quasiment comme du marimé gay. Ben, pas tant du marimé gay, mais c'est pas tant recherché que ça, là. OK. Tu te serais attendu peut-être un peu plus d'un groupe gay, mais... C'est comme un duo avec Scissor Sisters puis marimé. Ah, ça se peut. OK. Bon, ben, est-ce qu'on écoute ça? T'es-tu en train de me dire que, genre, marimé fait des ciseaux avec... Bref! Okay. On peut aller écouter la musique. En revenant, je vais vous conter un petit fait cocasse à leur sujet qui est en fait très, très drôle. Hey, go avec Not a Love Song. Not a Love Song. Dans la chronique Laisse Béton. Oui, Laisse Béton! Oui. Ça va-tu? Ça devrait aller. Ben oui, ça devrait aller. Bon. C'est toujours ça, hein, Internet. C'est toujours ça. Ben, je peux continuer en vous disant que... Ben, tu peux continuer si tu veux. Ben, ils ont deux albums. Ben oui. Avec Marimé. Oh, hey! Puis la chanson qui joue là, c'est de leur premier album sorti en 2007, Common Reaction. Donc, on écoute Not a Love Song. The traces of her bridges spins me out of my own mind. C'était Not a Love Song du groupe Her ou UHH ou n'importe quoi d'autre que vous voulez appeler ça, de leur premier album, pas leur dernier, Common Reaction, sorti en 2007. Et leur dernier album qui s'intitule Nocturnes, sorti en 2011. Et après ça, ils ont fait un paquet de hippies, mais là, en fait, on ne sait pas trop où ils sont rendus. J'ai essayé de chercher sérieusement qu'est-ce qu'ils font. Ils font-ils un autre hippie? Et j'ai pas réussi à trouver. Il était supposé à céduler une sortie d'EP en mai 2012. C'est pas mal là. Et je l'ai jamais trouvé. Ouais. Mais fais cocasse. Préparez-vous à rire, attention. Au sujet de Camila Gray et Lisha Haley, les membres de Her. Alors, ça pourrait-il, mais en fait, c'est vraiment vrai. C'est pas une rumeur. Okay. C'est, le couple se serait fait sortir d'un avion de Southwest Airlines aux États-Unis pour s'être embrassé. Alors, les deux sont un couple, se sont embrassés dedans l'avion. Ah! L'hôtesse de l'air leur aurait dit que c'était un lieu familial et qu'il n'était pas approprié de s'embrasser. Mais en fait, ils se seraient pas montés sa tête. Mais non, c'est ça. Selon ce qu'ils ont dit, écoute, c'est un bisou. Peut-être qu'il faut montrer ça aux enfants pour pouvoir les éduquer puis leur montrer que c'est normal. Ça. Sud-ouest américain. Je sais pas. C'était dans le sud, mais c'était quand même juste l'ouest. Ouais. Je sais pas à quel point. Est-ce que c'était vraiment le règlement ou c'était l'hôtesse de l'air qui était trop zélée? J'ai lu plusieurs articles à cet effet-là et j'ai jamais réussi à déceler si c'était vraiment partie des règlements. Ouais. Moi, ce que je pense vraiment, là, c'est que je suis comme une bande de rednecks. Là. Vraiment. Pardon. Si vous venez là, du sud-ouest des États-Unis, je m'excuse, vous êtes toute une bande de rednecks. On n'est pas vraiment de vous comme auditeur. Voilà. Alors, c'était tout pour le côté musique. Alors maintenant, du côté web. Ouais. Alors, il y a aussi la chronique web que je trouvais important d'aborder puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour la communauté LGBT sur Internet et c'est intéressant de s'y aventurer. Alors, le site que je vais vous présenter cette semaine, c'est Les Chouettes Coquettes au pluriel, bien entendu, www.chouettescoquettes.com. Et voilà, comme ça s'appelle habituellement. C'est en fait un groupe social pour femmes lesbiennes ou bisexuelles. Mais seulement les femmes. Seulement les femmes. Non. Tu peux pas venir, Mathieu. Non. Mathieu, essaye pas. Je suis dessus, là, ça me laisse passer. Fait que, sérieux? Ah, shit. Il n'y a pas de friction. Leur radar à organes génitales mâles n'a pas fonctionné. Ou leur truc pour checker les adresses pipi. Non, ça marche pas. Les adresses pipi. Oui, l'adresse pipi, tu sais. C'est vraiment drôle. Merci. Enfin, bref, ce site qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir s'abonner à l'infolettre, trouver un tas de ressources pour la communauté LGBT, voir les activités du groupe à venir et s'y inscrire, entre autres. La plus populaire de leurs activités, c'est bien sûr le 5 à 7 bimensuel. Bimensuel. Wow. Pour ne pas dire... en tout cas, je ne dirais pas autre chose. Non. Pour dire... C'est à chaque deux vendredis. Ça s'avère que ma chronique tombe le jeudi précédent, le vendredi, oui. Parce qu'ils font leur 5 à 7. C'est bien drôle! Wow. Oui. Mais autre activité qu'ils font, surtout qui est camping, glissade, jeux de société, randonnée, patinage, pomme, musée, cabane à sucre, etc., etc. Ils font vraiment n'importe quoi, comme des humains hétérosexuels normaux. Hey, wow! Alors, parmi le groupe, l'ambiance est très amicale, décontractée, pleine de rire. Tout le monde est le bienvenu, mais le groupe d'âge se situe entre 20 et 40. Moi, je mettrais ça peut-être plus entre 20 et 50, étant donné que je vois à peu près à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup, beaucoup de lesbiennes de 40 ans et plus, ouais. Fait que veux pas, il y en a. T'sais. Donc, t'es allée ou t'as vu des photos? Non, non, je suis pas allée. J'ai pas de photos, j'ai rien. Je m'excuse. OK. Je suis une grosse. C'est ce que t'as lu. Ben, c'est ce que j'ai lu. Bon. Hein? Voilà. Alors, ce groupe qui a été mis sur pied dans le fond à Montréal en juillet 2005 par une certaine Maryse et une certaine MC. On imagine peut-être que ce soit Marie-Christine ou MC Gilles. Je sais pas. MC Gilles. MC Ginette. MC Ginette, exactement. Alors, certaines activités qui sont à venir pour ce groupe-là, le groupe des Chouettes Coquettes, randonnée pédestre au parc de la forêt ou Haro, l'exposition Star Wars, paintball, roller derby, du kayak, randonnée pédestre, ils en font beaucoup des randonnées pédestres, hein? Fait que bref, ils sont en santé, ils sont belles, ils sont le fun, ils sont lesbiennes, that's what we want. Oh yeah. Alors, c'est ça pour le site des Chouettes Coquettes. Sérieusement, c'est vraiment le fun, surtout pour les ressources. Les ressources LGBT, là, où tu peux voir plein de sites, là, adressé à nous, c'est vraiment le fun. Et terminons maintenant avec les activités à venir dans les deux prochaines semaines. Donc, demain, vendredi 25 mai, de 17h à 19h, le 5 à 7, au bar Le Cocktail à Montréal, coin Sainte-Catherine et non pas coin Sainte-Catherine-Est, dans le fond 1669 Sainte-Catherine-Est près de Papineau, pardon, je sais pas c'est sur quel coin. Puis c'est vraiment un moment de venir prendre un verre avec un paquet de lesbiennes décontractées, pleines de rire. Puis si c'est votre première fois, lorsque vous rentrez là, vous demandez à Maryse. Le bar cocktail étant un bar de drag queen style lounge karaoké, c'est très friendly. J'ai pas non plus mis les pieds là-bas. Non. Faudrait vraiment que je sorte, hein, parce qu'en ce moment, j'ai aucune crédibilité. Tu pourrais faire des chroniques sur le terrain. Hein? Exactement. Hein? Ben, t'as quand même une vue externe. Une vue externe, de quoi tu parles? Oui, par rapport aux endroits que tu vas pas, tu t'en parles, mais t'es jamais vu, fait que ça te donne peut-être un autre angle. J'aimerais mieux l'angle de celui qui est allé voir à la place. Ouais. Mais je le sais. C'est moi, le vendredi, j'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires. Je peux pas y aller. C'est ça. Autre activité à venir, le 27 mai, c'est-à-dire ça va être le dimanche, exposition Star Wars avec le groupe Les Chouettes Coquettes. Fait que si ça vous intéresse, allez sur le site, allez vous inscrire. Et aussi du paintball le 2 juin, c'est-à-dire le samedi, pas cette semaine, l'autre d'après, encore avec le groupe Les Chouettes Coquettes. Alors, ça risque d'être trois avec Les Chouettes Coquettes, dans le fond. Les Chouettes Coquettes, c'est la place où sortir. Oui. The place avec les lèzes. Excellent. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir. C'est sûr. Ta chronique est toujours béton, comme on dit. Lèze béton. C'est pas mal béton. Voilà. On te retrouve dans deux semaines avec, encore une fois, film, musique et web. Exactement. Dans ta chronique game à tendance plus lesbienne, je pense qu'on peut s'assumer dans de ce côté-là. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Lèze béton et non lèze and gay béton. Oh. Moyennement. Ça s'est effrité tel du béton puis de la pyrotite, là. En tout cas, c'était mauvais. C'est ça. Donc, alors deux semaines. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. Tu restes un petit peu? Bien sûr. Je peux rester 6 minutes. Time. Juste ça. On va profiter de toi pour l'instant. Je suis désolée, je suis occupée. J'ai du karaté à soir. Oh. Oh. Oh. Ouais, exactement. Ceinture valime? Noir. Noir. Oh! Bravo. Don't mess with Justin. Ouais. Tu fais avec ton toupette, là, puis avec son toupette. Exactement. Toupette. I fight you with my toupette. Okay. Bon. Donc, on termine ici 7 heures et puis on va se retrouver avec une quatrième heure tantôt. Et la chronique de Ligelle Catardi qui s'en vient. Ah, ces artistes, elle nous parle cette semaine à Tintépeu. Elle nous parle de, je sais ici, la musique et l'évolution. C'est son sujet d'aujourd'hui, la musique et évolution. Et puis, en fin d'émission, 15 minutes avant la fin, ça veut dire dans une quarantaine de minutes, Kim Bergeron sera là pour nous parler du nouvel album de Porcelaine. Il sera aussi en spectacle lancement au Zénob ce samedi. On aura aussi la musique de Grimes, Yukon Blonde et notre numéro 1, bientôt. Restez là, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Toujours la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 21 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante, toujours avec David Ferron, Justine Renaud. Alors, et on vient de recevoir Lydia Catardi en studio. Bonjour. Salut tout le monde. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Passe une belle semaine. Oui. Oui. Tu voulais qu'on continue un petit peu dans la thématique de la chronique de Justine, tantôt sa chronique Lèze béton. Toujours un petit peu à tendance lesbienne et... Non, parce que c'est pas vraiment exactement juste lesbienne, là, son affaire. Ah, OK, son affaire réelle. Non, mais moi, ma chronique est deux pieds dedans. Oui, je sais bien. Sortie du placard, ça fait longtemps. Oui, deux pieds dedans. Il ne faut pas trop détailler. Je t'écoute, Kat. Oui, Kat, donc, Katardi. Donc, c'est ça. C'est dommage que je ne sois pas arrivée cinq minutes avant, mais je commence à travailler au Club Unity la semaine prochaine. Pas vendredi, là, demain, mais l'autre d'après, le 1er juin. Et je fais une soirée qui est vraiment dédicace aux filles. Ça s'appelle Mademoiselle avec DJ Tizzy, qui est une fille de la communauté à Montréal. Puis on part ça, grosse soirée vraiment spéciale pour les filles. Il va probablement avoir une coupe de promotion. Là. Je peux pas en parler encore tout de suite parce que c'est pas certain. Mais ça va être gros du dance, du hip-hop, du dancehall, du house électro, tout ce qui bouge puis tout ce qui full party. Ça va être excellent. Pour ceux qui ne savent pas, le Unity, un fameux bar gay à Montréal, près de la sortie de métro Papineau. Sérieux? Hey, c'est précis. Mais c'est prêt? Non, sérieux? C'est Sainte-Catherine, dans le village. Gros, c'est dans le village. Là. Cool. Mais j'ai appris que c'était à la sortie de métro Papineau. Oh yeah! C'est mieux pour pas prendre son char quand on va boire. Bon conseil. Ça va être excellent. Merveilleux bar où c'est surtout dance. C'est pas... Ça, t'as mis le pied là. Non, j'ai pas mis le pied. Mais c'est pas drag... ce que je veux dire, c'est que c'est pas drag queen, karaoké, ni... C'est pas une taverne. C'est vraiment là comme plus comme... Tu sais, une place de... Discothèque. Tu danses, là. Ouais. Vraiment, puis c'est pas exclusivement gay. Non plus, c'est gay friendly. Fait qu'il y a plein de filles qui pointent avec... leur chum de filles juste pour pas venir se faire écœurer en dansant, tu sais. Bonne idée, déjà, ouais. Ben, moi, je le ferais. Mais c'est vraiment cool, fait qu'on va regarder ça. Écoute-moi, le 1er juin, c'est ma fête, fait que je sais pas si... tu devrais descendre à Montréal pour célébrer ça avec moi. Mais c'est à cause que j'ai quelque chose le soir. Mais tu sais, si jamais ça tombe à l'eau, plouch. Ouais. Si jamais vous décidez d'un commun accord de descendre, faire une virée à Montréal, mais en tout cas, c'est sûr que pour les autres qui nous écoutent en ce moment, allez-y, c'est un ordre. Oui, allez-y. Et ça veut dire qu'on va rater ta prochaine chronique va être le 7, ça va être une semaine après ta fête. Oui. Donc on doit chanter de bonne fête tout de suite. Bonne fête, Justine. Ça y est, vous avez tellement de talent, les gars, ça n'a aucun bon sens. Parce que Cinématique défroque tout le beat. Ah, mais là, il faut bien donner un petit peu d'originalité à ça. Défroque le beat. Attention, tu déshabilles le beat. Puis là, ça me fait imaginer un prêtre en même temps. Fait que, je pensais que ça, c'était la job avec Attardine. Non, mais en fait, elle a drop the bass. Elle l'échappe. Elle déshabille, elle est comme tabarouette. Mais j'ai échappé ce titre de chronique-là. Ça fait c'est dommage. Ça t'a fait la blague un peu. Comme tes tartines, Justine, on a. Ah ouais, mais les tartines, c'était si tes échappes. Mais tu vois? Pouvais-tu plus se scraper que ça? On s'échappe la tartine. Si tu l'échappes, ma tartine, ça se ramasse du côté tartiné. C'est rempli de bass, parce que la bass est déjà droppée. Si tu l'as tartiné de bass, paf, ça tombe côté bass. Bon, fait que lâche-moi les anciens titres de chronique, qu'il y a personne qui se rappelle. Hein? Pour aller entendre un petit peu le palmarès, avant de continuer avec la chronique de DJ Catardi qui s'appelle maintenant « Ah, ces artistes ». Il nous parle de musique et d'évolution. La musique et l'évolution, c'est le titre de sa chronique tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute Grimes tout à l'heure avec Oblivion en quatrième place. On débute avec The Shins qui monte de deux. Voici Simple Song. 89 FM, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. On joue deux pièces, même si ça va défoncer un petit peu. On essaie de se rattraper dans le temps. Pas joué de musique depuis un bout. On est bien d'accord avec toi. C'est mal ça. C'est calme ça. C'est vrai qu'on dirait qu'on est sur une croisière. Pareil, hein? Well, this is just a simple song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. Like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything,

Grimes et Oblivion, l'ancien numéro 1, c'est maintenant en 4e place du palmarès anglophone. Avant ça, on a entendu The Shins et Simple Song qui montent de 2 places sur l'album Part of Morrow. Et ça, c'est là depuis 5 semaines. Oblivion est là depuis 8 semaines, donc ça dure longtemps et je crois que ça va encore durer un petit bout de temps. Si on aime la chanson, tant mieux. Mais... Ben voilà, c'est exactement ça. On aime ça. Donc maintenant, toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, c'est le moment de recevoir DJ Attardi. Et ses chroniques, ses artistes. Ah, ces artistes. Aujourd'hui, tu nous parles de la musique et de l'évolution. La musique et l'évolution. Oui, exact. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à l'écoute la semaine passée. J'ai vraiment été chercher de fond en comble une vision différente des nightclubs aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, je l'ai situé dans l'évolution. J'ai regardé un peu tous les processus primaires qui se passaient au niveau intellectuel, pourquoi les gens se rendent dans des clubs, qu'est-ce qui les motive, quelle est la principale ressource recherchée dans les bars, c'est-à-dire le fait de pouvoir rencontrer des partenaires sexuels potentiels. Puis... Bref, je ne vais pas retourner complètement sur ma chronique de la semaine passée, mais cette semaine, on y va un peu dans le même sens, c'est-à-dire que je situe la musique dans l'évolution humaine. Donc, commençons avec ce fameux théoriste des années 1800-1900, Darwin, vous connaissez? Oui, Darwin. Mm-hmm. Oui, donc, il y a... admis le précepte comme de quoi il y aurait la sélection naturelle, qui est à dire le fait de se défendre pour sa vie, et la sélection sexuelle, qui est le fait de choisir des partenaires sexuels qui ont les meilleurs gènes, le meilleur bagage génétique à transmettre à la progéniture. Donc, si on veut, la musique, l'art, la moralité, la créativité, le langage, c'est une forme d'expression de soi dans l'évolution. L'esprit humain évolue, nos cerveaux n'ont jamais été aussi gros. Notre intelligence créatrice puis nos capacités uniques pour l'art, la musique, l'amour romantique, toutes ces choses-là sont vraiment des choses qui ont été difficilement explicables par l'évolution. Ou la valeur, dans le fond, de la... Tu sais, parce que, comment je pourrais dire... Un côté artistique, c'est pas quelque chose que t'as tendance à développer énormément dans l'adversité. Quand il faut que tu cours pour pas te faire manger par une girafe, t'as pas le temps de faire de musique, tu sais. La girafe était mal choisie comme prédateur, là, mais tu sais, je veux pas tomber dans le dramatique non plus. Ouais. Donc, dans le fond, Darwin a avancé que l'évolution en termes de survie serait explicable par les des ornements pour attirer les partenaires sexuels. Ou, si on veut, la danse, le fait de développer un langage propre, le fait d'avoir un esprit créateur, puis d'être capable vraiment d'échanger entre eux. Puis, il a expliqué que pour que la survie s'installe, la sélection sexuelle cherchait à transmettre les bons gènes. Puis, de nos jours, comme j'ai dit tantôt, on a des cerveaux qui sont quand même assez gros, puis ils prennent à peu près 25 % de notre capacité énergétique, de tout ce qu'on mange. Puis pourquoi est-ce qu'on s'attarde à des comportements de luxe comme le fait de parler ou de faire de la musique ou de la poésie? T'sais? C'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas la première poussée énergétique qui va venir chez l'humain. Mais... Ben dans le fond, c'est simple. Le fait d'être capable de danser, de faire de la musique, d'avoir un langage qui est coloré, ça envoie un signal clair comme de quoi on a, de un, une intelligence qui est vraiment expliquée, puis qui est vraiment illustrée, puis aussi, ça envoie le signal comme de quoi qu'on est fertile mentalement, fertile, prêt à dépenser de l'énergie, etc. Donc, il y a une autre alternative à ça, puis c'est une fonction de défense. Dans le fond, le fait de se mettre à danser en groupe, de faire des percussions, etc., ça pouvait être utilisé par les groupes dans la préhistoire comme une indication de souplesse, de force, puis le groupe devenait comme un peu dans une formation de transe de bataille où est-ce que l'énergie groupale était exponentiellement améliorée. Donc là, je vous parle dans le fond d'un temps vraiment où est-ce que c'était la musique préhistorique. Aujourd'hui, on commence avec la base. Si c'est pas il y a entre 30 et 60 000 ans, je sais pas c'est quoi, parce que dans le fond, comment qu'on peut qualifier l'intelligence, l'art, etc.? Ben, c'est la question d'intention, je pense. C'est l'habileté d'être capable de contempler le passé puis de prévoir le futur. Puis, dans cette branche d'années préhistoriques-là, les humains ont commencé à créer de l'art, les peintures, la joaillerie. L'explosion culturelle a eu lieu. Il y a eu des cérémonies funéraires qui étaient faites puis qui laissent poser, dans le fond, une spiritualité, un regard vers la vie après la mort. Puis, ce comportement-là reflète l'intentionnalité, je pense, en tout cas, selon moi. Donc, on peut supposer que c'est à ce moment-là que la musique a été créée dans le but pur et simple d'avoir le côté agréable de la chose. Puis, au-delà d'une arme de séduction, comme j'ai dit tantôt, les peuples qui pratiquaient la musique avaient souvent de meilleures chances de survie parce que leur peuple jouissait d'une meilleure cohésion sociale. Ça aidait à expliquer puis à partager les émotions en groupe puis à être capable de canaliser cette énergie-là qui, parfois, évitait, dans le fond, de tomber dans l'agression ou d'être perdu. Puis, donc, c'est ça. C'était, entre autres, pour imiter la nature, les patterns de répétition, tonalité, un peu comme les oiseaux faisaient le mâle attire la femelle en chantant, etc. Ça peut être aussi associé à des pratiques chamaniques, des croyances diverses qui sont en lien avec la spiritualité. Donc, c'est vraiment un plus pour la créativité, ça incite à l'échange, au dialogue. Puis, c'est aussi la première forme de manipulation émotionnelle intentionnelle. Donc, c'était tout pour les débuts de la musique dans l'évolution. Cette semaine, c'était la préhistoire. La semaine prochaine, on va se rapprocher un peu plus de notre période de temps. Du présent, du contemporain. Oui, c'est exact. T'as deux pièces à nous faire entendre? Oui. Donc, aujourd'hui, on va écouter des petites chansons vraiment été. Ça va faire du bien. La première, c'est une track qui est « Old but gold », comme on dit en anglais. « Old but gold ». C'est une track que moi, j'ai jamais vu passer, mais que je suis tombée là-dessus par hasard cette semaine. Ça s'appelle « Booster, You're the One » et je l'ai mis sur repeat toute la journée. On écoute ça dans la chronique « Ah, ces artistes » de DJ Cathardi. Wow. Let me tell you, I want you. Alors, c'était la chanson Booster, You're the One. Puis, bon, ben, comme on a discuté tantôt, on a situé un peu la musique dans l'évolution et, dans le fond, l'émergence des artistes, d'où le titre de ma chronique. Ah, ces artistes! Ah. Il faut bien commencer à quelque part. Puis, ben, c'est ça, ça, c'était une petite chanson un peu. J'arrive pas à la classer. Indie, folk, pop. C'est pas mal ça, finalement. Oui, c'est ça. OK, en tout cas. Je cherche pas plus loin. Moi, personnellement, ça a été mon coup de cœur. Donc, aujourd'hui, il y a une autre chanson qui est sortie aussi, un petit vidéoclip, du moins, aujourd'hui, elle est sortie. Et c'est une petite chanson reggae, très summertime. Sarah Lugo et Kavaka Pyramide, High and Windy. Tout de suite dans À ces artistes. Et après ça, restez là parce que Kim Bergeron va être avec nous pour sa chronique culturelle. Yeah, we are riding, riding, riding, riding, riding. Oneness. Our troubles away. Reggae beast, yes, sir. My queen beside me, watching all my struggles and my troubles pass by me. The kingdom on my mind, every day is like a Friday. Give thanks for everything the most I provide me. Got to stay grounded even when I got to fly away. Got some heavy plans, so my stress kinda lightweight. The world is a cycle, everything I vibrate. Conscious evolution from mineral to primate is what they on my mind when I'm cruising through. Reading a book, swallow the Rubik's too, yeah. Solving my puzzles like a Rubik's Cube. Till that place of divinity I'm moving to. And I'm moving through like a soldier. Any obstacles in my way, I push them over. Never gonna found up like a page in my book of life. It's just another episode of Sarah Singh. Full living and appreciate the gift that I've been given. It's a mission to reach the people's hearts. Spread joy and love to the corners of the world. Spread the message, cause the message must be heard. Tell every boy and girl, every wife and man, we're bringing love across the land. So jump on board and please hold on. The road is rocky and the road is long. We all keep singing the same old song. The story is sad, but the story must go on. So please join in and check my mind. Read between the lines and see what's behind it all. Cause we need to tear down the walls. Riding on a high and windy day. It was a high and windy day. Deep in the month of May. No, no, no, no. When I find a melody and when the tune comes out, I stay true, no doubt. To my journey and the path, without the knowledge of the art, then I would certainly be lost. Emerging from the dark, it's the brightest light. The uprising of the youths with the righteous eyes. We keep riding high till we reach our destination. Even eyes is high in each and every situation now. Please join in and check my mind. Read between the lines and see what's behind it all. Cause we need to tear down the walls. Riding on a high and windy day. Deep in the month of May. Riding on a high and windy day. Riding my troubles away. Thank you. Donc, c'était... Qu'est-ce qui se passe? C'était l'arrivée d'un nouveau membre dans le studio. Kimmy Burge! Yoy! OK, je fais du bruit avec mon micro. OK, c'est bon, je suis installée, là. Ça nous a déstabilisé un peu en ce moment. Tout le bruit. Donc, c'est ça, on a entendu Booster, You're the One et Sarah Lugo, Kabaka Pyramid et High and Windy. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir quels étaient ces morceaux, vous pouvez toujours vous en fier à mon blog djetcatardi.com. Et sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Moi, je quitte pour le Carlito. Oui, et, ce soir. Oui, et il y a une nouvelle résidence qui commence la semaine prochaine au Club Unity le 1er juin. Ça, c'est à Montréal, à la sortie Papineau du métro. Ben, disons Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est pas important. Ouais, donc c'est ce qui conclut ma chronique à ces artistes aujourd'hui. Merci beaucoup, DJette. Merci. À la semaine prochaine. Ouais. Au revoir. Donc, nous, on va se virer de bord un petit peu pour aller entendre un bloc de pub. Et puis après ça, on aura la chronique de Kim Bergeron qui s'en vient, sa chronique culturelle. Tu nous parles de quoi tantôt? Je vais vous parler de deux groupes, Porcelaine et Unknown Color. Parfait, merveilleux. On va aussi avoir le top 3 du palmarès anglophone. On entendra entre autres Yukon Blonde et Kazabian. Et on saura qui sera notre nouveau numéro 1 parce qu'on a entendu Grimes tantôt en quatrième, donc ça a changé. On écoutera ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on se prend quelques messages pour essayer de se vendre des affaires. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 3. I'm hoping that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. Casey Bien avec une pièce de l'album Velociraptor. C'était l'extrait Days Are Forgotten, position numéro 2 anglophone. Ça monte d'une place. Ça fait 6 semaines que c'est là. Et est-ce que ça va se rendre au sommet? On va bientôt voir. Ça l'a pas déjà été, en plus, parce que moi, je me rappelle plus. On fait le palmarès anglophone aux 2 semaines. Je me rappelle plus ce qui était numéro 1. Ça n'a pas d'allure. C'est loin, loin, loin. C'est n'importe quoi. Donc, toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec David Ferron et Mathieu Plante. Les autres nous ont tous quittés. Ah, c'est triste. Mais on compense en ayant quelqu'un d'encore de qualité exceptionnelle, je pense, on pourrait dire. Il va falloir que tu arrêtes de me vanter comme ça, là, ça m'intimide. Mais le fait, c'est qu'il a raison, tu plates. C'est trop gentil. C'est ça, c'est David qui fait les compliments à outrance d'habitude. Donc, la voici, Kim Bergeron, avec sa chronique culturelle et ce petit intro qui est donc classe. Est-ce que les oiseaux et l'eau sont de trop là-dessus? C'est à toi de me le dire. Ils sont comme forts, hein? Ben, je trouve que ça fit avec l'indicatif musical, moi. Oui, oui, ça marche, ça marche. On garde ça pour la semaine prochaine. D'accord, on verra si on fait la chronique à l'intérieur du bateau dans une chambre réservée. Comme avec Cathardi, c'est ce qu'elle a demandé. Dans une chambre. Oh. C'est cute, hein? Oui. Je vous laisse. Au revoir. On non, mais ça, c'était la chronique de Cathardi, hein? Ouais. C'était pas moi. OK. C'est ça. Puis on aime ça quand quelqu'un regarde. Ça veut rien dire. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de, entre autres, de groupes de musique Porcelaine et un autre qui s'appelle comment déjà? Qui s'appelle Un Non-Color. Je me rappelais plus. Tu veux que je pratique mon anglais? C'est correct, c'est correct. Ouais. Mais en fait, j'ai fait deux entrevues par courriel. Hein? Ça, c'est nouveau. Là. C'est comme... Oui. Après ça, ça va être quoi? Ça va être par MSN Messenger. Mais oui, on s'est fait jouer des tours la semaine passée. Là. Cette semaine, j'ai décidé de faire ça par courriel. C'est des gens que je connais un petit peu de vue et tout ça. Puis, ils ont sorti des nouvelles affaires ces derniers temps. Et je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc, je commence avec Unknown Color, qui est un groupe de Québec tout nouveau, tout beau, qui est en fait un rassemblement de deux groupes qui sont morts. Alors, le premier groupe, ben c'est en fait l'auteur-compositeur-interprète Vincent Rioux, qui avait fait son groupe IDK et qui jouait à l'époque dans les shows du groupe Apparatus Complacency. Un autre groupe de Québec qui était constitué, entre autres, de Christian Dicker et Sébastien Beaudoin. Donc, IDK était là pour faire des intermèdes musicaux entre les chansons du deuxième groupe. Et bon, peu à peu, il a commencé à collaborer un peu plus à la composition et tout ça. Et finalement, ça a donné, à l'issue de ça, ça a donné le groupe Unknown Color. Et ils ont décidé, en novembre 2011, de faire un projet complètement « homemade ». Parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, il y avait de l'argent investi sur un album, et tant qu'à le donner à un studio professionnel, ils se sont dit pourquoi pas nous-mêmes s'équiper, puis, tu sais, de se pratiquer carrément au niveau technique aussi à faire un album, un enregistrement complet. L'entrevue que j'ai faite, c'est avec Vincent Rioux, et ce qu'il me disait, c'est que tout se déroule vraiment bien au niveau de l'enregistrement. La seule chose qu'ils ont sous-estimé, c'est le temps que ça prend pour faire ça. Donc, ils voulaient quand même donner un aperçu de ce qui s'en venait, parce que c'est pas un album complet qui est sorti là, tout récemment, et c'est même pas un EP non plus, c'est même pas un mini-album, c'est juste un aperçu de ce qui s'en vient. Donc, ils voulaient lancer ça à tout prix avant l'été, et ça a été mis sur Bandcamp aujourd'hui. C'était déjà un petit peu sur MySpace, mais là, bon, officiellement, c'est sur Bandcamp, donc les gens peuvent aller écouter les chansons complètes, ces 4 chansons qui sont disponibles sur ce site-là. Qu'est-ce qu'il me disait comme information? C'est ça, c'est un avant-goût de l'album qui devrait sortir incessamment, donc un LP qui va sortir à la fin de l'été. Le style musical, là, vous le constaterez par vous-même, là, mais il y a des petites influences années 80, mais il me confirme qu'il n'y a aucun des membres du groupe qui écoute la musique des années 80, donc c'est vraiment spontané, ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de claviers, beaucoup d'effets sur la voix aussi, donc, et il me dit que c'est parfois pop tout en étant anti-pop. C'est un groupe de contradictions, si on veut. Hein? C'est les 80, mais on haït les années 80. C'est intriguant. Oui, c'est intriguant. Vous avez hâte d'entendre ça. Hein? Ben, on peut y aller tout de suite en musique. Le paradoxe, c'est là, entendre ce paradoxe. Ouais. Voilà. Donc, un groupe de Québec, Unknown Color. On va y aller avec la pièce Me and I. Tout de suite, à la vie de croisière d'assemblage requis. C'est dans la chronique culturelle de Kim Bergeron. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? C'était Unknown Color avec la pièce Me and I. Fais-tu une liaison avec Me and I? Me and I, c'est me correct. Me and I, ouais. Mais c'était correct aussi. OK. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai bien gros aimé ça. Moi. Ouais, je savais que t'allais aimer ça. J'écoutais en arrière pendant qu'on parlait, mais tu sais, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai hâte de le réentendre, ça, la ouais. Fois, ben, t'écouteras le reste aussi, ouais. les trois autres chansons. Ouais, ça a pas mal d'allure. Je pense que ça tombe dans tes cordes. Ouais. En tout cas, avoir apparaître peut-être dans un palmarès éventuel. Oh, ben c'est ça. Vous. On a besoin en plus de stock francophone à jouer dans le palmarès en ce moment. Mais là, c'est en anglais, ouais. Mathieu. Oh, excuse-moi, c'est en ben anglais. Oui, mais oui. Ça paraît que j'écoutais. Hein? Ouais. J'écoutais plus la musique que les paroles. Ben, je c'est ça, c'est ça. M'excuse. Mais c'est vrai que la voix est un petit peu plus en arrière aussi et avec beaucoup d'effets. Mais bon. Hein? Non, on aimait ça. Moi, j'aime ça. Je vais poursuivre. Non, en fait, dernier détail sur ce groupe-là. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait de show. Hein? Ils sont vraiment dans leur sous-sol, en studio, en train d'enregistrer. Ils ont hâte de monter sur scène. Ils me disent même, on bouille de jouer devant du monde. Je trouve ça cute. OK, bon, je passe à Porcelaine maintenant. Bon, un projet francophone qui est un groupe qui est constitué, entre autres, de Mélanie Scala et Simon Bédard, qui ont tous deux fait partie du groupe Maharaja. Je connais pas. Oui, c'est un groupe ska. Ben ouais, quelque chose pop rock ska, ouais. Qui ont eu quand même pas mal de succès il y a à peu près 5 ans, je te dirais. Oui, ça joue à radio pas mal. Avec beaucoup de violon aussi. Ouais, ils ont gagné plusieurs concours aussi. Mais de toute façon, je vous parle pas de Maharaja aujourd'hui. C'est un groupe qui est mort aussi. Et Simon Bédard du groupe Mauvais Quart d'heure. Hey, ça, hey, oui, ça, là, ça me rappelle ça, ça fait chose. Longtemps. Tu sais, la joue, pièce Myriam, là, oui, c'est ça. Ça a été un succès assez fou, ça, ouais. Si je me rappelle bien. Voilà, mais ça fait plusieurs années. C'était avant moi. Ouais, bon. Avant moi aussi, bon. Je te confirme. Oh! Ouais, mais moi, ça fait moins longtemps que je suis là. Okay. Donc, Porcelaine, qui a lancé un premier album complet qui s'intitule La foire aux animaux. Ça, c'était le 1er mai. Et qui seront en spectacle à Trois-Rivières ce samedi 26 mai. Donc, un spectacle lancement aux énomes pour officialiser le lancement de La foire aux animaux. Et donc, Mélanie Scala, qui avait parti ce projet-là un peu toute seule à la base. Et ça semblait être un projet quasiment solo quand elle avait lancé son premier mini-album, même sur la pochette. C'est une super belle photo d'elle, vraiment un portrait. Donc, c'était plus une démarche individuelle. Puis, ce qu'elle me disait en entrevue électronique, ouais, c'est que, bon, oui, c'était plus individuel, une démarche, donc un album, un mini-album un peu plus léché. Et là, maintenant, ce qu'elle voulait faire avec cet album-ci, pour l'album complet, c'était de faire plus une collaboration avec d'autres musiciens. Et de fil en aiguille, c'est devenu un band. Et donc, ça s'entend sur l'album, c'est plus organique. Ça, c'est sur ses mots. Et donc, il y a aussi un ajout de flûte traversière qui est très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de back vocal, beaucoup d'harmonie, même sur des ha-ha, là. C'est pas nécessairement sur des paroles, là. Beaucoup d'ambiance sonore créée par les voix. Ça fait beaucoup penser à un esprit des années 70. Voilà, on peut déjà écouter une chanson qui s'intitule « Ange ». Donc, il s'agit du groupe Porcelaine. Et voilà, on écoute ça. Une chanson francophone pour toi, Mathieu. Bon, là, c'est vrai, on peut dire francophone? Oui, oui. Youpi. On écoute ça, je vous demande votre avis après. Thank you. Alors, c'était Porcelaine avec la pièce Ange. Porcelaine qu'on va pouvoir voir sur la scène du Zénob, la petite scène du Zénob, le 26 mai, donc samedi. Et pour ceux qui l'auront manqué, elle sera aussi en spectacle au Francofolie le 16 juin sur la scène Sirius. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Encore une fois, je dois dire que j'aime ça et que j'ai hâte d'en entendre plus. Ouais. Et que ça ne me surprendrait pas que ça finisse sur le palmarès pour vrai ça aussi. Bon. Moi, ça m'a fait... là, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça m'a fait penser à une des chanteuses américaines que j'aime beaucoup, Eminem. Ben, il va falloir que je découvre ça parce que je connais pas ça, honnêtement. Ça ressemble vraiment à influence 60s avec du Britpop. C'est vraiment. Ça m'a fait penser à ça, j'aime vraiment. Bon. Est-ce que ben, c'est 60s ou 70s? On se bat. Tantôt, c'était 70 selon toi. Ben, c'est ça, là. Ouais, 70s, ouais. Fin 60, début 70. Ouais. Ça te va-tu, ça, Mathieu? Ça, c'est bien correct. On t'a qu'on s'entende. Donc, Mélanie Scala, que j'ai eue en mini-entrevue par électronique. Donc, elle me dit que le spectacle sera intense par moments, festif et surtout surprenant même, car certaines pièces ont été réarrangées pour être plus percutantes sur scène. Alors, superbe. On va aller voir ça au Zénob samedi. Soyez-y, samedi, oui. On rappelle la date, c'est quoi? C'est le 26. Le 26, exactement, spectacle lancement pour Porcelaine au Zénob. Voilà, merci Kim Bergeron. Ça m'a fait un grand plaisir. On te retrouve en fin d'émission la semaine prochaine, toujours oui. La dernière, celle qui n'a pas le choix de dépasser. Parce celle que... qui dépasse tout le temps, inévitablement. Mais ça vaut la peine d'être dépassé parce que c'est tellement intéressant. Et oh, voilà. Gentil. Et ces sujets ne me dépassent pas et ils ne seront jamais dépassés de mode. Et Wow! Hein? On est toujours dépassé par la pertinence de tes sujets. Par la pertinence. Ok, là on dépasse un peu trop. Okay. Ça doit être pour ça qu'on dépasse parce qu'on dit n'importe quoi. Ah, c'est voilà. Ça. Donc voilà, Kim Bergeron et ses chroniques culturelles. Maintenant, ben, c'est la fin de l'émission, comme on le disait. Par contre, il nous reste encore le numéro 1 à entendre. Fait que, tu sais, moi je suis là puis je parle la musique de fin comme si on s'en allait, mais on va revenir après des bails, je pense. Ça aurait plus de sens. Hein. Ben ouais. Parce que sinon, faut faire des jeux de mots avant. Il faut bien que les gens aient un suspense et qu'ils se demandent c'est quoi ces jeux de mots-là. Oh. Tu sais, parce que si t'attends trop pour avoir des jeux de mots, si t'es fait pas maintenant, là, mettons les jeux de mots, tu vas les faire quand? Dans la prochaine émission? Non, on peut pas parce que c'est pas moi qui l'anime. Le titre de la chanson, c'est If Not Now When. Fait que, traduction idéale. Si je le fais pas maintenant, je le fais quand? Oh. Prochaine fois, il va falloir que tu fasses tes jeux de mots en anglais. Ah. C'est pas pire. Comme, c'est quoi dans, l'affaire qui me surprend toujours? C'est dans l'émission Les Pierres à Feu. Ah. Okay. Tu sais, dans Les Pierres encore. À Feu, le gars, il s'appelle Fred Caillou. Tu sais. Mm-hmm. Mais comment ça fait que l'émission s'appelle Les Pierres à Feu? Alors en anglais, ça s'appelle Les Flintstones. Puis le gars, c'est Fred Flintstones. Ça a un sens. Ben, oui. C'est comme si, mettons, l'émission s'appelait Les Simpsons, mais que le gars, c'était tu sais, Homer de Serre. Ça n'aurait pas d'allure. Parce que l'émission s'appelle Les Simpsons. Ouais. C'est vrai. Mauvaise traduction. Les pierres à feu. Allô, ils sont où, les pierres à feu? Ils s'appellent Caillou. Ouais, ouais. C'est peut-être le réalisateur d'émission qui s'appelait Monsieur Pierre à feu. Kat, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je dirais que c'est tout simplement l'évolution qui prend son cours. La pierre à feu, c'est ça qui fait qu'un jour, on a été capable de cuire notre bouffe, qu'on a été capable aussi de développer des molaires, d'avoir la forme du crâne qu'on a là, puis d'être aujourd'hui l'humain qu'on est. T'es vraiment trop dans ta chronique, hein? Que dire? Je lâche pas. Inconceptuel. Je lâche pas le morceau. C'est comme moi, puis l'Eurovision, je lâche pas le morceau. Ouais, toi, tu devrais peut-être le lâcher éventuellement. Mais la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Je t'offre un diplôme d'assemblage requis. Tiens, tu gagnes le Pulitzer de la radio. Bravo. Je suis couverte de joie, pour vrai, là. Ouais. Ça pleut. Je suis tellement heureuse que je m'en vais. Ah. Un surplus de bonheur comme ça, hein, c'est difficile à gérer. Donc, on garde ton bonheur pour nous. Ouais. T'es comme une éclipse solaire. Faut pas te regarder de trop près. Un, avec les yeux, mettons. Et deuxièmement, tu viens d'éclipser mes jeux de mots. J'essaie de ramener ça aux jeux de mots, mais ça... Ah, mais c'est bien fait. Je me demandais si c'était une vacherie qui était un rose. T'es comme une éclipse solaire. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu vas dire comme niaiserie? Faut pas que je te regarde trop longtemps. Ça. OK. Fait qu'on écoute Fred, If Not Now, When. Bye, Kat. Les autres, restez là. Si tu veux. c'est le numéro 1 du palmarès anglophone. Avant de dire le numéro 1, on va faire un petit récapitulatif du top 5. En cinquième place, c'était The Shins avec Simple Song. En quatrième, Grimes avec Oblivion, lancé numéro 1. En troisième, Yukon Blonde avec Stairway. En deuxième, Cassavian avec Days Are Forgotten. Et on vient d'entendre la position numéro 1 du grand palmarès anglophone, c'est Fred avec If Not Now When. Je vous rappelle que le numéro 1 franco qu'on a entendu la semaine passée, c'était Radio Radio avec Gallop. À partir de la semaine prochaine, on aura deux nouveaux palmarès, donc franco et anglo, et on commencera en écoutant le palmarès franco au complet dans la prochaine édition de La Vie de Croisière d'Assemblage Rock. Incluant Lisa Leblanc? Incluant Lisa Leblanc, si c'est pas terminé. Hein, okay. Parce que là, Lisa Leblanc est en position 13. Ah, oh, OK, ça dégringole. Ça dégringolait de deux places. C'est pas un si gros dégringolage que ça. Donc, on verra la semaine prochaine pour le nouveau palmarès francophone. On va prendre le temps de remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, David Ferron, évidemment. Ta chronique était en premier, donc je te mentionne en premier. Merci. Et je te mentionnerai en dernier parce que tu as animé l'émission avec moi. Ensuite, on a eu Mathieu Roy, on a eu Simon Fitzbé, mm-hmm. DJ Catardi, on a eu aussi Justine Renaud et puis Kim Bergeron. Ben oui. Voilà, donc pour les participants de l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, encore une fois, je te remercie, toi, David Ferron, d'avoir passé toute l'émission complète avec moi. T'es fin. Ben, ça fait plaisir. C'est vrai que être à tes côtés pendant 4 heures, c'est un honneur, mais... T'as remplacé par défaut, je dirais que t'as remplacé Jasmine. Ouais, mais c'est une lourde tâche de remplacer Jasmine quand même. C'est ta co-animatrice depuis un certain temps, puis je me sentais comme, faut que je sois... à la hauteur. Ouais, j'ai essayé. Ben, je suis plus grand qu'elle, mais en tout cas. Ben ouais, ça me fait un plaisir d'être avec vous pendant 5 heures, parce que j'ai animé mon émission La langue dans ton oreille, qui est à midi, d'ailleurs, tous les jeudis midi. Si vous aimez la musique francophone de partout dans le monde, n'hésitez pas à m'écouter. Si vous avez des suggestions, allez-y, vous pouvez. Est-ce que je peux. Ta page Facebook? Ton courriel, vas-y faire. Ben, le courriel ou sinon la page Facebook, La langue dans ton oreille, allez-y. Puis si vous avez des chansons que vous voulez entendre au niveau de la francophonie, faites-vous plaisir, puis ça va me faire plaisir. Merveilleux. La langue dans ton oreille, les jeudis à midi avec David Ferron. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine en direct les jeudis entre 13h et 17h pour une autre édition de La vie de croisière d'Assemblage requis. Après nous, c'est Rock révélé à partir de 18h avec Serge Nadeau. Ensuite, on repasse le samedi entre midi et 16h. Après nous, c'est pas Cancun, l'émission humoristique et musicale. Et finalement, on joue les lundis entre 15h et 19h. Reste à l'écoute pour Un genre de bleu avec Simon Fétibé à partir de 20h. Sinon, c'est à peu près ça. Passez voir l'assemblagerequis.com, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions complètes de chacune de nos émissions. On va se quitter là-dessus. On n'a pas de pièce avec laquelle se quitter, donc juste se dire bye comme ça. Passez une excellente semaine. David Ferron, t'es bienvenu toutes les semaines dans l'émission ici. Merci beaucoup. Puis moi, ça me fait très plaisir d'être avec tes auditeurs. C'est un grand plaisir. Nos beaux petits requins. Ah oui. Ils sont fins. Requins et requines. Oui, on pourrait dire. Il y a plein de contenu qu'on n'a pas fait dans l'émission d'aujourd'hui. On remet ça la semaine prochaine. La chronique Sex Smith, ça devrait pas. Là, on va se faire ça éventuellement. On va aussi faire CNX et puis on écoutera peut-être quelques nouveautés musicales, mais je vous promets rien. C'est la semaine prochaine. Je les avais là. 4 heures, c'est si court, mais en même temps si long. Ouais, 4 heures, mais ça passe tellement vite. Hey, demain. Ah oui. Demain. Hey, bye. Ben, au revoir, là.